Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 60e numéro du podcast du collectionneur. Putain, 60 ans, presque la retraite, hein. Toujours pas le quart du tiers de... Voilà. La moitié de l'âge de PL. Ouais, bon, ça rapproche quand même, hein. Ça rapproche. Et ce soir, alors on s'est longuement concerté et on s'est dit qu'on allait faire un podcast spécial éditeur développeur anglais. Et puis on s'est dit que finalement on en avait tant à dire qu'on allait en piocher un. Et donc ce soir, on a décidé de vous parler de Psygnosis. Ouais, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'avec chaque éditeur, on pouvait faire un podcast entier. Et on fera un concours, bien sûr, de celui qui prononce le plus mal le nom du studio. Hein. Parce que Psygnosis, c'est pas bien. Psygnosis. Moi, je pense que le P, il se prononce pas. C'est un truc genre Psygnosis. Tu vois ? D'accord. Mais je sais pas après, j'en sais rien. Je sais pas comment se prononce. À la limite, moi, je vous suggère un truc. On l'écrit une fois correctement dans le chat et puis c'est bon. C'est écrit sur l'overlay. Ah, donc voilà, moi je pense qu'on va partir sur Psygnosis, hein, mais je pense que c'est pas comme ça que ça se prononce en vrai. Ah bah c'est possible. Bon, j'espère que tout le monde est en forme. Ouais. Ouais. Faites au village. Et toi, le chat aussi. Allez-y le chat. Faites une ola. Faites du bruit. Ah non, le chat n'est pas réceptif. Bon, et sur le coup, comme ça commence à devenir la tradition pour chaque podcast, nous allons commencer avec une nouvelle pas cool. Bah, elle est pourrie, cette tradition. Ça fait trois fois. Donc, c'est clair. Donc, sur le coup, nous apprenons le décès de Andy O'Neill, directeur technique sur les Metroid Prime et cofondateur de Bluepoint Games, à qui on devait notamment le remake de Shadow of the Colossus. Voilà. Bon, trop jeune, encore une fois. Et merci monsieur pour les heures de jeu. Oh. Il avait quel âge ce monsieur-là? Alors je crois que c'était 46 ans. Ouais, voilà, on peut envoyer il était dans la quarantaine. Hein. On peut envoyer nos condoléances aux familles, hein, et je tiens à préciser Metroid. Attends. Je vais dire une connerie là. Non, si. C'est ça? Du coup, J'attends ta connerie. Des jeux sur lesquels il a bossé. Non, mais attendez. J'ai peur de confondre avec encore quelqu'un d'autre. Metroid Prime, on est d'accord ? Oui, voilà, c'est bon. Ouf. Donc oui, je voulais dire donc que Metroid Prime, moi, c'est un jeu qui, pour moi, figure au panthéon des jeux vidéo, en fait. Tu vois, c'est même pas que c'est un de mes jeux préférés, c'est pour moi, c'est un élément fondateur, quoi. C'est... Ouais, voilà. Un élément fondateur du sel, ouais. Mm-hmm. Non, il est vraiment fantastique, hein. Je suis d'accord avec toi, moi. Et d'ailleurs, moi, était comme un deck quand on a vu les images de Metroid Prime 4. Ah oui, il y a deux ans, j'ai failli arrêter de respirer, oui. C'est... Et pourtant, on a vu qu'un logo. Hein. Et on a vu qu'un logo, je vous laisse imaginer le... Voilà. Mais bon, tu sais, cette tradition maintenant, tu sais, d'annoncer un décès et tout, il me semble que quand même, ça se renforce beaucoup hein, ces temps-ci, parce que les premiers podcasts, au moins les 30 premiers, on n'avait pas ça quand même. Quoi. Je veux dire, ouais. Bah, c'est peut-être aussi parce que les gens mourraient moins. Mais justement, c'est ce que je veux dire, mais alors pourquoi C'est la mode. Alors des fois la mode c'est nul, hein, voilà. La mode elle pue du cul. Hein. Non, c'est souvent nul d'ailleurs. Les gens, les podcasts a déjà, je ne sais combien d'années, nous vieillissons tous, y compris les gens qui font des jeux vidéo, c'est terrible. Bah oui, mais... voilà quoi. Quand je serai grand, je vais être comme Petite Pelle, avoir tout le temps le même âge. C'est ça. Il y a un moment, au bout de 1000 ans, tu comptes plus. Ah bah voilà, oui, bien sûr, c'est pour ça. Restez les gens, ça devient joyeux après. Ah oui, on n'a pas, cool. Pas d'autres décès annoncés là, c'est bon. Et merci monsieur Rouge Skyler pour l'abonnement. Ah oui. Bah oui, enfin. C'est moi qui dis merci là. Oui, tu peux. Je fais des icônes. C'est pas les bons, mais c'est pas grave. Donc. Nouvelle news plus joyeuse ce coup-ci. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être que vous ne savez pas, que vous en fichez éperdument, Lidl a sorti son... Oui, je vais parler d'un robot de cuisine. Ah oui, un robot de cuisine Lidl, attention. Son robot de cuisine concurrent du fameux Thermomix pour à peu près le quart de son tarif, ou le tiers, comme ça, bref, voilà. Peu importe. On s'en fichait complètement à partir du moment où voilà, bon, les stocks étaient réduits, tout ça, les gens se sont jetés dessus, les revendeurs leur revendent le double de son prix alors que l'intérêt c'est de l'acheter pas cher. Bon, passons. C'est Par comme contre, là où Nutella. ça devient intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont fait ça. Je vous mets le tweet dans le chat. Et oui, Et ça rejoint. le fameux axiome moderne qu'on aime tant, Can it run Doom? Voilà. Ça, je sais plus si c'était au cours de ce podcast où j'avais déjà parlé d'un robot ménager qui dessinait des maps de Doom et tout. Enfin voilà, c'est le même type de conneries. Je trouve ça fabuleux. Donc oui, le clone du Thermomix, bah, permet de jouer à Doom parfaitement. Et les gens qui ont installé Doom dessus se sont rendus compte sur le coup en le démontant qu'ils avaient affaire à un vieux Android 6 tout moisi et papaché. Tout dégoûtant, Et ça. un petit micro caché aussi dans le robot, alors que le robot n'a aucune fonction vocale. Toute ressemblance avec certaines enceintes connectées Google, hein. Totalement Et fortuite, quoi. sur le coup, la marque est direct montée en créneau en disant: Ah, mais oui, mais ne vous en faites pas, c'est parce que les commandes vocales arrivent lors d'une prochaine mise à jour. Wink, wink. Ces escrocs, quand même. On vous laisse juger de la manœuvre. Bah, il y en a qu'on a brûlé pour moins que ça, hein. Oui, c'est pas faux. Donc, si vous avez de l'argent à dépenser, mais moins que pour un Thermomix, et si vous pensez que cette espèce d'appareil tout en un va vous aider à cuisiner correctement. Des gens que je connais qui l'ont disent que c'est bien. Moi, je sais Ouais. pas, j'utilise pas ce genre de truc, mais disent que c'est bien. Après, est-ce que Thermomix fait-moi des lasagnes? Je suis pas sûr qu'il me les fasse. Bon. Sur le coup, on a évoqué le robot de cuisine, on va pouvoir parler de jeux vidéo maintenant. Ouais. Et avec, on va de tout de suite, notre petite section mini, c'est rigolo comme ça, Ouais, habituel, mais celle-là, avec c'est la meilleure. l'annonce de l'E3 qui sort de nulle part et que tout le monde a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ouais. Konami annonce faire revivre la PC Engine. Ouais, Mais alors, c'est ça, moi, je j'ai sais, fait. je déteste Konami pour ce qu'ils font actuellement, hein. Oui, Mais là, effectivement. ils ont fait du bien à mon cœur. Ouais, j'adore cette console aussi. Ah, mais moi aussi. Alors après, ça va être toujours le même souci, disons, tu sais, de la sélection des titres suivant les régions, hein. Bah, Voilà. ça dépend ce que tu aimes, mais effectivement, moi, je vais C'est plus ça. me Non, garder mais vers la version Jap, quoi. rien Oui. que l'effet que les Japonais, ouais, Superstar Soldier et pas nous, là, j'ai déjà mal. Ça C'est m'énerve, un ça peu con m'agace. quand même, hein. Ah bah, Oui, c'est moi, moi c'est je le. trouve ça totalement con, hein, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme C'est ça pour surtout toutes le les consoles. trio. Hein. C'est le trio, c'est Super Star Soldier, hein, c'est donc le deuxième, plus le PC Kid, plus le Chino Rondo, et ça fait beaucoup là quand même. Hein. C'est quand même trois des plus gros jeux de la machine, hein, faut pas Oui. déconner. Bon, Voilà. bah Le après, peu. on peut dire paix à leur âme aux Américains qui vont avoir la Voilà, et donc l'autre TurboGrafx. chose sympa que fait Konami, bah, c'est vrai que c'est relativement sympa, c'est qu'ils adaptent la console en fonction de la région. Les Japonais ont droit à la première PC Engine blanche, les Américains ont droit à leur immondice TurboGrafx 16, et Ouais. nous, Oh, ils nous ont vous mis. êtes vache, j'en ai une de TurboGrafx. Bon, c'est nul, c'est moche, mais voilà. Moi, j'avais la SuperGrafx. Et nous, on Et avait nous, la. en tant Ah, qu'Européens, on a droit à la Core Graphics modèle 2, celle avec le logo bleu, voilà. elle est belle, hein, la chorégraphique. Bah, moi, c'est ma préférée en fait, Elle est avec le logo super. en bleu là. Moi, je Bah, moi, suis. je l'aime beaucoup, mais après, si Ah, je moi m'oriente aussi. vers une Jap, c'est surtout pour les jeux. C'est surtout ça en fait, moi. Ouais. C'est Mais les de toute jeux. façon, hormis les couleurs, je veux dire, la PC Engine et la Core Graphics, ce Par sont contre, les mêmes, hein. j'ai une question, messieurs. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Sur le tweet, en fait, enfin, comment dire, quand ça a été présenté, voilà, il montre les trucs. Sur la manette Jap, par contre, on voit pas l'autofire sur la manette. Ah là Et là, sur les nôtres, oui, on les voit. ouais. Je veux dire, pour certains jeux, sans autofire, ça va être un peu compliqué quand même. Mais Oui, après, c'est est-ce que c'est des trucs d'origine ou est-ce qu'on aura vraiment, nous, la manette autofire, du moins l'Europe, et pas ça. les. Je sais pas. Je Parce que ne. c'est bizarre, effectivement, c'est bizarre, parce que les États-Unis l'ont aussi. Pourquoi, je sais pas, les manettes Jap, il me Bah semble qu'il y nous, avait on a de toute façon, à l'autofire. l'époque, on avait Non, l'autofire. mais Hein. y a que les manettes Jap, apparemment, sur l'image d'origine Ouais. qui a été. Ouais, c'est Ouais. bizarre, hein? Ah Non, mais ça a ouais. été photoshopé avec les fesses. Ouais, je pense, ouais. Je pense aussi qu'ils ont fait Parce que, je ça sais à pas, la après, ZEUV. Ouais. mes souvenirs sont très lointains. Il me semble que la version Toutes les ma de japonaise mémoire, ou. alors ça vaut ce que ça vaut parce que j'ai quand même les trois modèles, mais j'ai que deux types de manettes sur les trois. Il me semble que la TurboGrafx, il y a le turbo, et sur les manettes Ouais, tout blanches aussi. normalement. Tout. Ouais, Hein. il me semble Après, bien. non, mais c'est un Photoshop qui a mal tourné et Oui, je ils ont pense aussi. oublié. Ouais. On dira ça. Mais vivement. Ouais. Vivement. Apparemment, il existe des manettes PC Engine avec et sans le modèle blanc. Ah, ok. Voilà. Bah, j'espère qu'ils vont pas. J'espère qu'ils feront pas l'erreur de le mettre sans. Ça serait voilà. Un peu mal. En tout cas, après les esprits. Les esprits critiques. Ah, effectivement, t'as raison. Ouais, non, t'as raison. Les esprits critiques un peu malins noteront que c'est la première console mini qui a la même taille que la console d'origine. Oui, oui mais alors, non, c'est non, clair. Elle est, encore, non, elle est encore plus petite. Non, mais... Oui, mais je dirais, elle tient dans la main, j'ai vu le... enfin, non, non, les bonnes proportions. Mais je veux dire, la, c'est vrai, la chorégraphique, déjà, elle tient dans la main. Quoi. Je veux dire, non, mais là, c'est la, une des seules consoles mini où tu peux... Lorsque j'avais fait le... Lorsque j'avais fait mon dossier sur la NES Mini, quand elle était sortie à l'époque sur le site du guide du collectionneur, j'avais pris en photo la NES Mini et la PC Engine côte à côte. Oui. Et elles faisaient quasiment la même taille, les deux. C'était déjà la PC Engine à l'époque. Comment ils ont pu voilà. Miniaturiser. Très jolie console, j'ai très classe. J'ai hâte. Je ne suis pas fan des consoles mini particulièrement, mais celle-là... Au niveau marketing, entre guillemets, Konami prévoit déjà de vous vendre un quintupleur et des ça manettes à part pour jouer à 5. Donc ça veut dire qu'on aura du Bomberman dedans, hein, ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'évidemment, les manettes et les consoles mini n'ont qu'un seul port manette. Ouais, mais j'ai une question débile. Le quintupleur, tu vas donc le brancher dans le port 1. Oui. Il n'y a pas de port 2. Mais ouais, tu peux pas foutre en fait un. Comment dire un hub USB et ça marche ben, ça dépend de la connectique utilisée. Et s'ils utilisent la connectique originale. Oui, effectivement. La connectique, on ne la connaît pas encore. Soit ils vendent un vulgaire port USB. Un hub USB, ouais. dans ce cas, voilà, c'est du USB, on n'en voilà, parle plus. Soit c'est la connectique d'origine, et dans ce cas, on a juste nous à sortir notre quintupleur et le brancher, a priori. Hein, sans aller en racheter un autre. Je veux dire. Mais je les vois mal réutiliser les vieilles connectiques. Je sais pas. Ouais, parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus, donc effectivement là. Quoi ? C'était du DB6, je crois, non ? Je sais plus. Ouais. Je regarde. C'était pas les connectiques. C'était DB6, c'est autre chose. Ah ! Non, c'est une espèce de. C'est comme le DB9. C'est un rond, oui. L'espèce de rond tout petit, enfin, bon. Ouais. Bah, c'est comme les manettes de Master System, non, c'est pas... Non. Manette de Master System, c'est du DB6, de mémoire. C'est du DB6, ouais. Okay. Ouais. J'essaie de me souvenir, en fait, le truc, mais je me demande si c'est pas plus rentable de sortir avec... Bah, de toute façon, on verra, c'est vrai qu'ils ont pas communiqué là-dessus, ils ont juste dit, voilà. Voilà sortir, voilà les jeux, les premiers jeux, et puis c'est tout. Et après, c'est... Bah, ça a fait le reste. Étant donné que c'est une console qui est assez méconnue chez nous, qu'on l'a eu grâce à Sony Peng, qui a fait toutes les modifications pour qu'on puisse jouer sur nos télé. C'est vrai que la console est sortie de manière extrêmement marginale, ce qui fait que sur le coup, ça va. On va quand même être sur vraiment du produit de niche en Europe. Oui, bien sûr. Parce que voilà, ça va pas être la folie. Totalement. Après, si ça peut faire découvrir cette console à des gens qui la connaissent pas, jouer à des jeux auxquels ils ont jamais joué et tout, moi je suis content parce que. Oui, parce qu'elle a une ludothèque assez folle, de qualité. Hein. De très très haute qualité. Hein, on n'a toujours pas la totalité des jeux, on ne sait pas encore combien il y en aura au final. On ne connaît pas de date de sortie, on n'a pas non plus de tarif. Après, tarif, c'est vrai que peut-être 80 euros, je pense. Ouais, autour des 80 euros. Hein. Mais bon, vivement. Bon, pour continuer sur notre. Notre actualité, non, juste rapidement, notre actualité mini, je vais faire une news qui est juste après pour en parler rapidement. Des gens ont pu mettre leurs mains sur la Mega Drive Mini, et la Genesis Mini en particulier. Et il semblerait que changer de langue la console permette de jouer aux différentes versions du jeu. C'est-à-dire, vous mettez la console sur le paramètre anglais, vous avez les versions de Genesis. Vous la mettez sur le paramètre Mega Drive, vous avez les versions Mega Drive, et vous mettez sur le paramètre japonais, vous avez les versions japonaises des jeux. Ils ont implémenté ça. Tous les jeux ne sont pas concernés, il n'y a pas toutes les versions, mais apparemment, il y a pas mal de choses. Et notamment, des jeux comme Landstalker auraient leur traduction française et allemande qui seraient là aussi. Ah oui. Ouais. Ce qui est plutôt sympa. Bah oui. Par contre, ne rêvez pas. Vous n'aurez pas accès à Moucha ni Yu Yu Hakusho. Non, je vais pas recommencer. On se répète à chaque podcast, les vieux cons qui attendent leur jeu et qui les auront jamais. Non, ça, Ah, pas de pitié. Voilà. Mais enfin voilà, bon, ça a été testé. Et pour l'instant, les premiers retours font état de quelque chose de très bien, même en termes de qualité d'émulation. C'est M2 qui est derrière. Généralement, ils sont en train de devenir, l'air de rien, le studio M2 est vraiment en train de devenir le studio, sans doute un des plus intéressants au niveau des portages de jeux à l'heure actuelle. Ce qu'ils font, ils font globalement du bon boulot. Oui, quoi. Oui, oui. Bah, les Secret of Mana, c'était ça. On va en parler un petit peu après. Bah, d'ailleurs, d'accord, peut... ok. Ou alors on peut glisser sur Baptisement sur cette news. Voilà, pour, ça fait une belle transition. Les autres pour après, voilà. Donc, effectivement, nous en parler donc, de la sortie surprise. Une des plus grosses surprises. Alors surprise, il y avait déjà des rumeurs qui avaient couru à droite à gauche, mais une des annonces. Une de mes annonces préférées de l'E3, donc c'est ce grand moment où on était devant le Nintendo Direct, où ils ont annoncé Trials of Mana en 3D, et ouais. Où on s'est regardé, on a dit, mais c'est l'E3, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est oui. Ça, c'est quoi ce jeu? C'est le héros principal. Et c'est après, quand on a vu que la collection sortait en Europe, qu'on a compris que oui, effectivement, ils ont nommé l'E3 Trials of Mana. On a fait, ah, peut-être que l'inverse, ça aurait été plus pertinent, je sais pas, pour nous expliquer oui. Ce que c'était d'abord. C'est vrai, c'est vrai. C'était un choix bizarre. Hein, c'était, après, voilà. Ça reste une annonce qui sort d'un fond de slip. Quoi. Personne ouais. S'y attend à ça. Ah oui. Personne. Le fait que le nom ait été déposé, Collection of Mana, on en avait parlé, on se demandait si ça allait être... Bref, tout ça pour dire que... On en avait parlé, mais juste pour préciser, c'est que... On en avait, enfin, je veux dire, c'était des rumeurs, mais j'y croyais, honnêtement, j'y croyais pas une seconde. Je me suis dit, mais Square Enix va pas prendre la peine de traduire un Secret of Mana, enfin Seiken Densetsu 3 complètement pour nous. Franchement, j'y croyais pas. Moi, surtout avec la masse de dialogue qu'il y a et tout, tu dis, ils ont pas envie de dépenser du non. Fric dedans. Quoi. Moi, je tiens juste à dire, le podcast d'avant, j'avais dit Square Enix, E3 2019, Secret of Mana, collection, machin. Voilà. Je vais le dire. Voilà. On n'a pas entendu, moi, j'entends mais... rien. Ah ouais. ce qui est intéressant surtout, c'est que aujourd'hui, si on a donc. La collection Mana qui sort en Europe, ça veut surtout dire une chose très intéressante. Ça veut surtout dire que, et là, je pense que sur le coup, le remake de Secret of Mana, c'est suffisamment bien vendu pour les encourager à faire ça. Oui, peut-être, oui. Je pense, oui. Voilà. Après, c'est mal, mais... la chose qu'on va voir sur celui-là, c'est que c'est pas Unreal Engine, quoi. C'est un alors, vrai moteur. Ils ont l'air d'avoir voilà. Écouté ah, oui, les gens qui ont là, dit « Votre truc, c'est de la merde ». Oui, ah, mais là, pour le coup, dans les interviews, il y a une interview qui a popé, c'est de leur engine. Pour parler précisément de Trials of Mana, on va beaucoup plus loin que ce qui s'est passé pour Secret of Mana, savoir que le jeu est réinterprété avec une vision en 3D, une caméra qui est libre. Donc, on est vraiment le niveau au-dessus en termes de remake. Là, il est plus ambitieux, hein, c'est clair. Voilà. Oui. Ça a l'air beaucoup plus soigné, on verra bien. Et donc, c'était pas difficile par rapport à Secret of Mana. Hein. Ouais. Oui, non, c'est clair. Mais ça a l'air bien. Honnêtement, ça a l'air très bien. Voilà. Et donc, pour parler de cette fameuse collection of Mana, si les gens n'ont pas vu l'info circuler, donc elle réunit évidemment. Salut, Brinator. Elle réunit. Mystic Quest. C'est le premier Seiken Densetsu sorti sur la Game Boy. Final Fantasy Legend en US. Voilà. Donc, pour renseignement, le jeu, comment dire, il y a trois choix de couleurs entre guillemets différents. Vous pouvez le mettre en noir et blanc, vous pouvez le mettre avec une espèce de filtre jaune dégueulasse, comme si vous vouliez jouer à une Game Boy Frigo. Le jeu contient les ROM US et anglaises qui ne sont pas tout à fait les mêmes traductions, la ROM allemande et la ROM française d'époque. Avec ses approximations, ses fautes d'orthographe, tout est dans son jus. Vous allez adorer. Mais oui, pas la meilleure traduction qui soit, quand même. Même si les limitations techniques permettent quand même d'en excuser une grande partie. La collection comprend également Secret of Mana, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que on retrouve la ROM US, la ROM anglaise, la ROM allemande et la ROM française. Elles sont toutes en 60 Hz. C'est bien. Et ce sont les traductions d'époque, non retouchées. Et enfin, la collection nous offre pour la première fois Seiken Densetsu 3, traduit en anglais, en français ou en allemand. Là, sur le coup, il n'y a qu'une version anglaise, ils n'ont pas fait de version US et UK. Et donc, on joue à un jeu qui est ni plus ni moins qu'un hack maison de la ROM d'origine avec des traductions dedans. Ouais, ouais, c'est. Ah, j'y aurais. Mais franchement, je le répète. Alors, au passage, il est peut-être possible que quelqu'un ait. Comment dire, dumpé la ROM, et il est peut-être possible que cette ROM tourne sur une vraie Super NES. Voilà. C'est la possibilité. Hein. C'est très possible. Vous mettez. Voilà, la ROM a été extraite. Vous pouvez la mettre dans vos SD to SNES. Vous pouvez faire un cart mode à l'heure actuelle, puisque le cart mode a déjà été réalisé par plusieurs personnes. Oui. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, je vais te poser une question sur ce jeu. Juste une petite anecdote. Comme toi, Billon, je suppose que tu sais, évidemment, comme le jeu n'est jamais arrivé chez nous et qu'on était super fans, tu sais, de Secret of Mana, on voulait tous jouer à ça, tu sais, évidemment. Mm-hmm. Et du coup, on l'a fait en émulation. Terminus, hein. Voilà. Et, mais il y a un truc, moi, qui me surprenait, c'est que quand je lançais le jeu, c'est quand on arrive dans le tableau des menus, c'est cette lenteur d'affichage, tu sais, mais un truc de fou. Je pensais que c'était dû à un problème d'émulation. Non, c'est le jeu qui est comme ça. Et c'est le jeu qui est comme ça, en fait, qui est très lent dans les menus. Je trouve, le curseur est difficile à manier, je trouve. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire, Vion ? Je sais pas si tu l'as relancé. C'est difficile à manier. Non, alors je l'ai pas relancé encore. J'ai lancé Secret of Mana et Mystic Quest. Le menu. Quand tu ouvres, tu affiches le menu avec le bouton carré. Je veux dire, t'as un petit tableau qui s'affiche et puis le curseur se déplace extrêmement lentement, quoi, avec presque un temps de retard, et c'était, je trouvais ça désagréable en émulation, mais on s'y fait. Mais en fait, le jeu d'origine est comme ça. Le jeu est tout lent. Non, mais le reste est impeccable. Je veux dire, graphiquement, c'est pour moi le plus beau jeu de la Super NES de tous les temps. Et on touche un point important. Le jeu est encore tellement beau maintenant, pourquoi faire un remake en 3D? Pourquoi pas, c'est vrai. On en a déjà parlé de ça. Hein. Voilà quoi. Non, mais là, pour le coup, le jeu, il est vraiment. Pourquoi faire un remake en 3D? Parce que je pense que voilà, Secret of Mana est suffisamment bien vendu pour toucher un Secret of Mana, c'est bien vendu, ça les a motivés. Ils se sont dit, voilà, il y a un truc à faire. C'est des jeux qui sont déjà conçus de A à Z. Ils n'ont pas besoin de passer par certaines étapes. Le jeu est toujours. Le jeu est. Pour une fois qu'on n'a pas à se plaindre. Mais je veux dire, les Secret of Mana ont eu énormément de remakes, à part le dernier Secret of Mana qui est sorti. Mystic Quest, il a eu quand même sa version Sword of Mana sur Game Boy Advance. Il y a eu beaucoup de remakes de ces jeux-là. Et moi, je trouve ça. Moi, ça me déplaît pas de voir. Non, mais c'est le timing est bizarre, quoi. Tu sors le jeu carrément traduit sur la compile, et en même temps. Alors, il est sorti il y a un an sur Switch. Version traduite. Oui, mais oublies un paramètre. Il est sorti il y a plus d'un an sur Switch au Japon, et du coup, ils ont lancé le remake du Trails of Mana, et il y a sans doute un an aussi ou deux. Je sais, mais le timing, voilà, tu sors la compile et tout, et derrière, il y a un remake. Ouais, c'est parce qu'ils se sont dit, mais au fait, il faut peut-être qu'on leur explique d'où ça vient. Tout d'un coup, allez. Il y a une demande, il y a un public qui a l'air d'être motivé, qui a envie. Ah oui, moi je prends les deux. Hein. Voilà. Honnêtement, quand j'ai des sous, je prends le truc Switch franchement, le remake 3D, je le trouve pas dégueulasse. Il ressemble à quelque chose. Non, mais c'est de l'Unreal Engine, donc non, ça peut. Oui, il a l'air super bien. Il ressemble vraiment à quelque chose. Là, c'est pas des versions mobiles, quoi. C'est un vrai action RPG qui a l'air assez ambitieux, mais vraiment bien, hein. c'est vrai. Hein. Et puis alors, je sais pas, mais sur Super NES, c'était une première de voir des mêmes villages et des lieux qui passaient du jour à la nuit, tu sais, régulièrement. Et revoir ça en 3D et tout, enfin moi, ça me fait super envie. Quoi. C'est quand même c'est fou, quoi. Et donc tout ça pour dire donc oui que on doit ça encore à M2, le portage des 3 et l'émulation des 3 Mana, qui font encore un bon boulot. Il n'y a pas eu de souci avec rien entendu de mauvais sur. Et salut Beyond Noob, je n'avais pas vu, c'est 3 minutes. voilà. Et dernière petite news par rapport à M2, les deux autres compiles dont ils sont occupés, trois autres compiles dont on a parlé récemment, c'est la fameuse compile arcade Castlevania et Contra chez Konami. juste rapidement, et salut Gorette, d'ailleurs, que je n'ai pas vu non plus. Salut, salut tout le monde. Et donc, les trois compiles Konami ont été mises à jour, ça y est. Que ce soit sur la version arcade, la version Castlevania ou la version Contra, vous pouvez désormais jouer à toutes les versions. Voilà, les versions Jap sont incluses. Et les bugs qui avaient été signalés pour la compile Castlevania ont été corrigés pour la plupart. Il y avait des soucis avec Castlevania 1, notamment. Ça a été corrigé. Donc, c'est quand même du bon boulot. Il y a quand même un suivi derrière. Voilà. Je n'ai pas encore craqué pour la compile Castlevania, moi, mais ça va, je sens que ça me chatouille. Voilà. Il manque, alors Cap, effectivement, il manque Legend of Mana PS1. Qui n'est pas un épisode canonique, mais quand même qui existe. Et l'autre qui manque, et on l'avait déjà dit, c'est Seiken Densetsu 4, qui est renié par Square. Legend of Mana est tellement particulier que je ne suis pas sûr qu'il... Le Legend of Mana, mais c'est du labeur, toi. Moi, je le surkiffe. C'est mes jeux favoris, mais il est tellement particulier dans sa construction. Et ben on en parlait avec Moa, parce que là, on parlait de 2D. S'ils font un remake 3D, je pleure, parce que je ne verrai pas l'intérêt. C'est-à-dire que Seiken Densetsu 3, enfin Trails of Mana, du coup, maintenant, il était genre magnifique, c'était une claque. Et puis derrière, enfin, ils sont sortis Legend of Mana, oula, mais c'est... c'est incroyable. Là, c'est pareil, sauf que c'est les capacités de la PS1. C'est incroyable. Ouais. Les plans, parce que ouais, j'ai jamais joué au jeu, mais les visuels. C'est des tableaux, c'est des tableaux à chaque image, c'est de la folie. Non, mais après, le système de jeu est tellement particulier qu'effectivement, pas sûr que les gens ils aient envie de jouer à ça, quoi. De Legend of Mana, bah ouais, parce que c'est moins narratif. Enfin, c'est moins, comment dire... Ah, mais t'as pas de... La trame, elle va un peu n'importe où. C'est toi qui fais ta trame, en fait. Ouais, voilà. Donc c'est perturbant. Ce que tu veux avec n'importe quel perso. C'est ça. Ils sont allés encore plus loin que l'idée du 3. Que travailler. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est une direction, c'est une évolution logique. Rapidement, je passe hop à une autre news qui vient de tomber. Le podcast du collectionneur, toujours à la pointe des news. Je vous colle le tweet tel quel et champagne. On débouche le champagne. Je vous laisse découvrir ce tweet absolument fabuleux de l'ami Nibelion. On est heureux. La Xbox Lockhart n'existe plus. Voilà, voilà. Vous vous souvenez de cette Xbox que Microsoft devait sortir, full des maths, tout ça, blablabla bla, bla. Ah oui. On n'en parle plus. Alors attention, la full des maths, mais de la prochaine génération. Hein. Oui, de la prochaine génération. Parce que la Xbox One SAD, elle existe encore. Ouais, hein. Elle existe, mais personne n'en veut. Donc on avait dit que la SAD servait à tester le marché. Voilà, et ben ils ont compris, je crois. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris. Je crois qu'ils n'ont pas compris le vrai problème. Hein. Ils n'ont pas compris qu'elle ne s'est pas vendue parce qu'elle était... Le prix. C'est le prix. C'est juste le prix le problème. Quand tu vois la console seule, le prix qu'elle coûte, alors qu'à côté, tu as des One S 1 Tera avec 5 jeux. Oui, voilà, c'est ça, avec un lecteur Blu-ray 4K UHD, enfin, mine de rien, c'est pas. Enfin, voilà, c'était le prix. C'est mais à 250€, quoi. Mais bon, bref, voilà. Voilà, c'est ça. Merci, Xbox, toujours à la pointe. On vous aime. Donc, on retourne sur les news de vieux. Avec l'Atari VCS. Attendez, je prends mon déambulateur et j'arrive. Voilà, mon Dieu. Le prix de la machine a été dévoilé à l'E3 dans l'indifférence, ça a plutôt... Attention. Je vais essayer de trouver une formule. C'est, comment dire, c'est l'instant où on rit des personnes âgées. Donc là, visiblement, je ne sais pas ce qui leur prend. Hein. Donc ils ont toujours sur leur truc, là, qui s'appelle Atari VCS. Alors, deux tranches de prix. La première pour avec une version à 4Go de RAM. Alors bon, quand on voit actuellement ce qu'on a besoin en termes de RAM, je suis désolé, ça me fait rire. Mais oui, mais j'ai gagné par avance. Voilà, quand on voit ce qu'on a besoin en termes de RAM pour faire tourner des jeux, qu'est-ce que tu peux faire avec 4Go, bordel ? Ça déconne. Tu fais tourner Pac-Man. Attention, on en est à $249, donc à 250 pruneaux américains, et 8Go de RAM, donc tu vois, quelque part, on double la RAM, hein. Et on est à 279 pruneaux. Mais c'est pas fini. Là encore, bon, quelque part, bon, c'est débile de faire deux tranches, mais pourquoi pas. Alors, les fameuses manettes, les classiques et les modernes contrôleurs. Donc, modernes contrôleurs, c'est le truc qui ressemble à un pad Xbox 360, mais fini à la pisse. Donc, on est à 60 balles, on a 59,99. Alors, ça, c'est un tarif de base pour une manette. Ouais, non, mais attention. La manette façon Atari 2600, mais Bluetooth avec un seul bouton, là, ils en sont à 49 balles. Ils disent pas ce qu'il y a dedans, parce que bon, moi qui réparais quand même pas mal de ces saloperies de manettes Atari 2600, à savoir ces fameux joysticks qu'on appelle les CX40, c'est fait de la pire des façons possibles, mais tu te dis si dedans il y a quelqu'un qui met un truc tout bête qui s'appelle des micro-switches. On peut peut-être discuter éventuellement, mais quoique à 50 balles, faut pas déconner. Donc voilà, ils ont toujours pas compris. Alors, la dernière fois qu'il y a des gens qui ont voulu des micro-switch, c'était pour la Neo Geo Mini et SNK. Ils ont dit non, mais ça, Voilà. on sait plus faire ça, on n'a plus de savoir-faire, les amis. Voilà. Alors, à savoir, attention, à savoir qu'il est possible de modder une manette Atari 2600, à savoir les fameux CX40. Pour mettre des micro-switches dedans, je l'ai fait avec une de mes manettes, ça déchire sa grand-mère, sans déconner, c'est super excellent. Ah oui. Le problème, c'est que ben, c'est totalement artisanal et tu mets, comment dire, une après-midi à modder une manette, quoi. Ouais, et qui sait que déjà, qui sait qui va avoir envie d'acheter cette VCS? C'est la Voilà, personne bien qui va sûr. l'acheter. Est-ce qu'elle va avoir envie de modder sa manette? Je suis Bah, pas puis plus sûr, mais. c'est pas ça, c'est tu te dis à 50 balles, ils ont quand même intérêt à proposer quelque chose qui tiennent à peu près la route. Après, moi, je me dis, s'ils ont le nez creux, ils prennent un joystick arcade, ils retirent en fait la plaque métallique, ils fixent ça comme des bourrins dans un joystick, dans un petit boîtier sympa. Enfin, peut éventuellement faire l'affaire, quoi, mais c'est pareil, le prix. Non, mais c'est non, c'est le prix d'une Xbox One Par S, contre, le prix d'une on PS4, sait ça toujours rend pas ce qu'il y a comme jeu dedans. Apparemment, il y aurait des remakes ou des, comment dire, je sais pas, c'est Et ils voulaient bizarre pas leur faire un truc. service de VOD, des services en Oui, ligne voilà, ouais, spéciaux? ils en sont toujours là, mais bah, c'est encore fou leur truc, je suis En fait, désolé. ils veulent en faire un serveur multimédia, quoi. Voilà, ouais. En gros, c'est un serveur multimédia avec une console finie à la pisse, voilà. Ouais, sauf que des serveurs multimédia, ben, je sais pas, la PS4 et la Xbox One le fait très bien, hein, pour un prix similaire. Non, bon, enfin bon. C'est bizarre, Après, leur positionnement est non, mais bizarre. enfin, je laisse toujours le bénéfice du doute parce que bon, Oui, bien comment sûr. dire, on n'est pas dans les projets et puis bon, voilà, on peut se moquer, mais voilà, il y a des moments où on pige pas forcément tout. Mais là, plus ça avance, plus c'est flou leur truc. Je suis Ah désolé, mais on comprend pas, moi je comprends pas ce qu'ils veulent ça a été faire. annoncé en juillet ou en août, il y a 2 ans de mémoire. Si je me souviens bien, hein. Si je me souviens bien, c'est juillet ou août 2017. Bah, ils ont intérêt à faire vite, hein, parce que les prochaines consoles arrivent. Eh oui. Hein. Vaudrait mieux pour eux qu'ils fassent vite. Hein. Eh ouais. Ok. Donc bon, bah, en attendant cette fabuleuse est arrivée CS. J'ai dit une bêtise. Septembre 2017. J'étais pas loin. Voilà. Ça fait 2 ans. C'est pour dire que j'ai quand même une mémoire. Quelques petites news rapides après cette Atari VCS. Sur SNES Central, hop. Une ROM a été dumpée, déterrée et un petit peu corrigée pour être jouable. Il s'agit d'un jeu co-réalisé par Nintendo et HL Laboratory, qui est le jeu qui servira de base à Kirby's Dream Course. Alors, Bon, bon Kirby's petit Dream jeu Course, d'ailleurs, ça. voilà, Oui. un petit jeu de golf avec Kirby, c'est unique et assez sympa sur Super NES, qu'on retrouve d'ailleurs sur la Super NES Mini. Ça, c'est dur, mais c'est sympa, ouais. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait avant, voilà, vous pouvez aller jeter un œil chez SNES Central. Autre petite news rapide, le site Hardcore Gaming 101 n'est pas seulement un site qui est vachement bien. En plus, ils sortent des bouquins qui sont vachement jolis et complets. Et ils ont sorti un livre spécial Treasure, qui est commandable sur Amazon. Pour nous, Français, or, livre 100% en anglais. Le programme, c'est du Treasure. Et tous les jeux liés à ce qui peut ressembler de près ou de loin à un jeu Treasure. C'est-à-dire, comme on a parlé notamment, les Rapid Reload sur PS1, qu'est-ce qu'il y a donc? Phantom Breaker, Panzer Bandit, enfin tout ce qui est jeu qui peut évoquer de loin, près ou de loin un jeu Treasure. Comme d'hab, ça a l'air complet, plutôt bien foutu. Ça coûte une vingtaine d'euros pour les gens qui aiment toujours le papier. Mais quand tu dis des jeux qui évoquent, c'est-à-dire qu'ils sont dans de l'ADN du jeu, mais qui n'ont pas de lien réel, en fait. Non, qui n'ont pas de lien réel. Voilà, qui sont vraiment. L'idée, c'est de parler de jeux qui évoquent. Parce que Parce, que la parce qu'il n'y avait pas assez pour remplir un livre. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Okay. Ah ouais, autre annonce conjointe par nos amis Retrobit et nos amis. Non, nos pas amis, Limited Run. Ah oui. Aïe. Ils vont faire une reproduction du jeu Metal Storm sur NES. L'édition limitée est assez pétée. Vraiment. Il y a quoi dedans? Ouais, avec une petite statuette, avec donc la reproduction du jeu, des cartes, des modes d'emploi. Enfin, tout a été reproduit, le mode d'emploi, certificat d'authenticité. Enfin... Bref, l'édition limitée pour 70€, voilà, limite ça me fait envie. Metal Storm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeunesse avec un mecha qui est vachement bien, qui est inédit en Europe. Et qui fait partie de ces jeux qui aujourd'hui sont relativement compliqués à trouver pour un tarif insensé. Parce que ouais, 70$, c'est relativement correct. Hein. Par rapport à ce que vaut le jeu original, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas trop à combien on est en ce moment. Par rapport à ce qu'ils proposent dans la collector, je trouve ça. Voilà. Correct. Ouais. D'accord. Si la reproduction est de qualité, pourquoi pas. Et les Greylancers. Les Greylancers devraient sortir aujourd'hui. J'ai pas encore de nouvelles. Voilà. Okay. Wait and see. Donc voilà, je regarde en même temps Metal Storm, combien ça peut valoir. Oui, en loose, on est sur une centaine d'euros sur l'un sur US. Voilà. Donc voilà, l'édition est plutôt sympa. Ensuite, on apprend des choses vachement cool. Comme par exemple notre ami Igor. Merci. Grubowski, c'est ça ? Grubowski. Qui va donc faire évoluer son Everdrive NES. Ouais. Alors. C'est toi de parler, moi. Non, bah alors je connais très peu l'Everdrive NES, mais c'est toujours les mêmes raisons en fait. Pièce qui arrive en fin de production. Donc, il faut en acheter des nouvelles si on veut continuer de produire le produit. Et tant qu'à avoir des pièces qui sont fatales logiquement plus puissantes, bah autant proposer des nouvelles fonctionnalités, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein, quand c'est un passionné. Je vais mettre avec plein de guillemets, hein, mais... Voilà. Donc, nouveau FPGA, ouais. Nouvelles fonctions. C'est, à l'heure actuelle, sans aucun doute, la meilleure carte la plus complète pour jouer des jeunesses sur votre console. Ça va le rester. Je pense qu'on connaît la qualité du travail de ce monsieur et on peut lui faire confiance. Bah, si moi dit que c'est bien, croyez-le. Hein. Alors, justement, comme je dis, je suis NES, aucune idée. J'ai pas de NES, je sais pas. T'es monsieur Everdrive. Le N8, bon, je l'ai jamais eu entre les mains, mais ça a l'air quand même assez craqué, ce machin. Je vais en acheter un, mais ça coûte cher. En fait. Ouais, voilà, c'est toujours ça. C'est, est-ce que vous avez vraiment envie de payer ce prix-là Il faut le dire aux gens effectivement qui connaissent pas l'Everdrive et qui découvriraient ça maintenant, qu'en termes de tarifs. Oui, donc voilà. Juste. On va regarder, tiens. Juste pour la liste, donc il passe de 1 mégaoctet de mémoire à 16 mégaoctets. Pour relancer à peu près toutes les ROM possibles et imaginables. Voilà, tous les hacks possibles, je crois. C'est assez hallucinant quand même. Hein. 16, nous avons donc des save state, 4 slots de save state pour chaque jeu. Voilà, plus de rapidité. Comme d'hab, enfin voilà, ça a l'air sympa. Et au niveau tarif, oui, on est probablement sur une somme. J'ai pas trouvé le prix parce qu'apparemment il n'y a pas le. Ça va, alors en théorie, ça sera le même prix que celui qui est vendu actuellement en fait. D'accord. Soit dit en passant, quand il avait fait son upgrade pour le SD to SNES, il avait fait des promos sur l'ancienne version. Le seul souci, c'est qu'en ce moment, le site de Krix, il avait un souci en fait. Son gestionnaire de paiement, je sais pas quoi, il marche plus depuis je sais pas combien de temps. Du coup, pour l'instant, on peut plus c'est rien acheter directement chez lui. Voilà, pour l'instant, on peut pas commander sur le site. Donc, on peut commander chez d'autres sites partenaires. Hein. Mais ouais, après, dans l'absolu, c'est toujours mieux de commander directement. Bah, pas nécessairement. Alors, N8, Everdrive N8, Actuellement, bon, c'est pas directement sur Krix, c'est chez Stone Edge Gamer, c'est 110, 100, 118 $. Voilà. 118 $. Ok. Bon, Donc voilà, vous savez après, à peu près. attention, hein, si tu veux un boîtier rose fluo pour le voir dans le noir, faut mettre quelques euros en plus, mais voilà. Non, mais Oui, rigole pas, il le propose, hein. ça j'achète. Oui, Il le Stone Edge, il propose en propose plus. plein de customisations. Par contre, ça vient des États-Unis, donc ça fait Voilà. loin, quoi. Ouais, 94 livres sterling sur un site US. Enfin, voilà. Bon, mais bon, ça c'est une console, Plus de 100 c'est la balles, quoi. NES, c'est la NES, donc la NES on s'en fout un peu, c'est une console Nintendo, c'est nul. On a vachement mieux à vous proposer, même si, attention, le tarif risque de vous faire passer un petit mauvais moment. Je vous mets le lien, les précos sont ouvertes. En termes de tarif, Prends le c'est plus prix. cher qu'un kebab. Alors, Ah ouais, non, ouais. alors, qu'est-ce que c'est donc que cette carte? je vous avais déjà parlé, j'avais fait même une vidéo dessus parce que je l'ai, du Mega Everdrive X7, enfin voilà, qui permet de lire tous les jeux Master System, tous les jeux Mega Drive, tous les jeux 32X sur votre Mega Drive. Voilà, c'est une flash carte. Hein. Ouais. Il y a des fonctionnalités de save state, il y a des fonctionnalités de le son FM pour les jeux Master System. Enfin bref, voilà, des trucs de ouf. Ça Mais tabasse. ça c'était avant ça. Ça c'est fini ça. Maintenant il y a le Mega SD qui fait tout ce que je viens de dire là. Et en plus, il permet de jouer au jeu Mega Mega. CD. C'est beau. C'est C'est une 32X, cartouche. mais il faut avoir un 32X. Ouais, c'est une cartouche en Ouais. fait qui. C'est un FPGA qui va émuler le lecteur optique du Mega CD en fait. Voilà, c'est la même chose que les Mega SG et Super NT. C'est du FPGA qui vient reproduire toutes les fonctionnalités du Mega CD. Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi compatible avec la Mega SG. Et c'est compatible avec la Mega SG. Eh oui. Et ça, c'est cool aussi. Par contre, voilà, le problème, c'est que ça coûte Oui. 238 euros. Non, c'est Ouais. pas. Et les Non, frais de mais port, c'est 12 balles. Ou 232 et les frais de port 18, mais en tout cas, vous en aurez pour 250 balles pour le faire venir en France. tu Voilà, sais, voilà. quand tu lâches Et 200, 230 $, 230 €, je pense que tu es plus à 20 € le problème, c'est de frais. que vous risquez la douane à ce tarif. Hein, Ça, après, ouais, c'est vrai. je pense pas, parce que vu que tu Non? payes en Oui. euros, je crois que son magasin, il est au Royaume-Uni. D'accord, bah, tout va La bien. shipping tax, c'est free. Il Tu me vois, shipping semble que tax free. pour l'instant, le Royaume-Uni n'a pas encore de. C'est pas encore le Brexit. Pour l'instant, voilà. Donc si vous le précommandez maintenant, il envoie ça début août, je crois. Juste pour dire, parce que c'est intéressant et ça va même beaucoup plus loin que ça, puisque ça permet de jouer donc au jeu Mega Drive, au jeu Mega CD, au jeu 32X si vous avez une 32X, ça permet également de jouer au jeu Master System et ça permet Ouais. également de jouer au jeu Master System avec le son FM. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est vraiment le, comment Voilà. dire, le truc, entre guillemets, ultime. J'ai vu un premier test et la personne était vraiment convaincue, mais il y a un truc qui rentre, qui est à prendre en compte dans la balance. Hein. Pourquoi je suis super ambiancé par ce truc? Je sais pas si il y en a certains d'entre vous qui ont le Mega CD. Toi, Beyond, je crois que tu l'as. Oui, je l'ai aussi, ouais. Ouais, J'ai d'accord. plusieurs méga CD. Hein. J'aimerais, mais je ne l'ai pas. On est d'accord que même s'il est super bien entretenu, le bazar, c'est la putain de misère pour lire un jeu. Ça dépend quel modèle. Le 1 est pas un modèle de fiabilité. Le 2, bon, y a aussi des petits soucis avec, mais. Moi, le 2, j'ai fait Popful Mail en stream. T'as des fois, je me disais, oh là là, les chargements, oh là Oui, là, la musique ah qui oui, non, se mais on. lance pas, oh Oui, non, putain. ça, on est d'accord, ça, T'avais des ça arrive. synchros et tout, enfin. C'était compliqué. Là, le fait que t'as ta cartouche, et paf, petit trivia intéressant, la cartouche, du coup, bon, il y a quand même pas mal de matos dedans. Ça rentre pas sur une cartouche de Mega Drive standard, du coup, il s'inspirait de la cartouche de Virtua Racing. Oui, ce que j'ai vu, ouais. C'est rigolo. C'est cool, là. Ça ressemble beaucoup, ouais. C'est une carte. Voilà. Alors, trivia nul numéro 2, et pour une raison, je saurais toujours pas expliquer. Il y avait un jeu qui n'était pas compatible avec le Mega Everdrive. C'était Virtua Racing, justement. Il se trouve Ouais. que bah là, il est Il y a une toujours pas puce. compatible. Bah, il y a une puce spéciale dedans, je sais plus comment elle Ouais, s'appelle. mais là, vu la patate. Enfin, le truc, il a la patate pour reproduire le Sega CD entièrement, quoi. Donc, je pense que Virtua Racing. Après, pour certaines des vieilles puces, à mon avis, il faut connaître le langage assembleur de la Mega Drive, des trucs comme ça pour C'est essayer de pouvoir possible, c'est comprendre le possible. fonctionnement. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, peut-être, étant donné qu'il n'y a qu'un seul jeu et que ça reste Virtua Racer, c'est pas non plus Ah, tuerie. Pour moi, c'est clairement pas un, comme on dit, deal breaker. Enfin, c'est pas le truc qui va empêcher d'acheter. Voilà, exactement. Quand tu vois tout ce que tu peux faire avec ce que tu peux jouer avec. Voilà. Mais voilà, donc sachez que je vais le préco dès que la paye elle tombe et voilà, dès que je l'ai. On veut une review. Ah ouais. Et pour ceux qui se souviennent des trucs rigolos chez Sega, la première console de Sega, la SG-1000, et la suivante, la SG-1002, était surnommée les pierres tombales parce que lorsqu'on mettait une cassette dedans qui dépassait par rapport à la forme, on disait une pierre tombale. Et il se trouve que là, la cartouche façon Virtua Racing dans la Mega SG, on a juste l'impression que c'est la même chose. Ça, c'est, très drôle. Oui. C'est un hommage caché, pas voulu. Est-ce qu'il nous reste une news? Et une news fabuleuse. Ah. Une news sensible, si j'ose dire. Ah, et en plus, c'est rigolo, c'est qu'on on a discuté la semaine passée quels éditeurs on faisait. Dans le chat. Et du coup, on s'est dit ça, non, eux, faut les garder pour plus tard. Oui, bah oui. Alors, il y a des gens qui bidouillent encore Sensible World of Soccer. Une version 2020 arrive. Je me sens d'ailleurs tous les deux ans, on en parle dans le podcast. Hein, c'est rigolo. Ah, parce que c'est un sujet sensible. Ah bah oui, effectivement. Donc, il y aura le roster du jeu qui sera totalement mis à jour avec les vrais noms des joueurs, les équipes, machin, tout ça. Et ils annoncent que le jeu sera jouable sur PC avec un support direct pour les manettes USB. Alors, quand ça va sortir, on ne sait pas. Malheureusement pour le moment. Et je vais aller faire un tour sur le site. Il n'y a pour l'instant pas grand chose. Je regarde quand même au cas où. Au cas où ce serait. Non, c'est toujours pas la version 2020. Mais voilà. Donc, c'est un truc qui va arriver. Si vous voulez faire voilà, des petites parties à SWOS sur PC. Sensible Soccer, c'est quand même la vie. Et ça restera le seul jeu de foot qui m'a permis d'être champion d'Europe avec Marseille et Tony Dancassé Cascarino. Donc rien que pour ça, je le remercie. Revenir là-dessus rapidement, Irinator, tu demandes s'ils sont sérieux, genre de délai, tout ça. Bon alors, évidemment, dans la mesure où ce n'est pas encore produit, on ne peut pas répondre. Il faut leur faire confiance. C'est, ouais, c'est ça le problème. C'est, limite, voilà. Attendre voilà, que ce soit en stock. Par contre, Terraonion, ouais. Sont ceux qui ont fait également l'émulateur entre guillemets de lecteur CD-ROM pour PC Engine. Donc c'est une société qui a déjà fait autre chose, on les connaît déjà. Ils ont aussi pas l'Everdrive, mais le ROM carte Neo Geo aussi. C'est oui, c'est vrai. Donc normalement, c'est du bon taf et c'est une société effectivement qui est stable. Sérieuse, pas trop. Sérieuse. Donc, si vous voulez, sur le coup, le Super SD System pour votre PC Engine et votre Mega SD, vous prenez le tout, 500 balles, allez. Voilà. Il a dit banco. Bosnick, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a contaminé les autres, en fait, avec la Cité de la Peur. Non, mais c'est très bien, il faut continuer. Et sur le coup, voilà, nous allons... C'est quand même notre sujet principal du soir. Psygnosis. Psygnosis. Bref, on va encore débattre sur comment dire le nom. Non. Mais qu'est-ce donc? Feu Psygnosis. Oui. Ouais, malheureusement. Bah, c'est un studio qui a fait des jeux, je pense, que tout le monde, auquel tout le monde a joué. Je pense que n'importe quel joueur dans sa vie a au moins joué à un jeu Psygnosis. D'ailleurs, c'est rigolo, quand on a préparé le podcast la semaine passée, on ne s'imaginait pas qu'il y avait autant de jeux, que c'était soit eux au développement, soit eux en tant qu'éditeurs, en fait. C'était ouf. Il y a tellement de choses à raconter, ça va être très intéressant. Ouais. Alors déjà, la société a été fondée donc en 84 ou 85. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde les Wikipédia anglais, il y a marqué 84, et dans la fiche résumée, il y a marqué 85. Donc on va dire au milieu des années 80, hein, ça on va pas se tromper. Et c'est une société d'abord qui a commencé à faire ses armes donc sur les micro-ordinateurs de l'époque. Par contre, c'est pas 82 normalement. Ben non, c'est Imagine Software, non ? Ouais, Imagine Software, effectivement, qui était connu pour des jeux comme Frantic sur VIC-20, qui est le seul jeu que je connaissais en fait, du lot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Océan a racheté en fait Imagine, Mais en fait, imagine, c'était des. Comment dire? C'était un peu particulier. Ils avaient mis en avant qu'ils étaient en train de développer une série de jeux sous le label Mega Games. Ça devait tout déchirer. Bon, en fait, les Mega Games, ça restera toujours un vaporware. En fait, l'un de leurs jeux qui s'appelait Psyclapse, c'était soi-disant le jeu le plus avancé en fait de tout leur catalogue vaporware, on va dire ça comme ça. Bon, en fait, c'était juste un croquis sur le papier. Ils n'ont jamais commencé à le développer. Puis, de mémoire, ils se sont fait racheter par Océan. Et du coup, bon, les développeurs sont partis un peu partout. Et Bah le oui, nom parce que Psy. Imagine était en banqueroute. Voilà. Ils ont Et fait du une coup. jolie banqueroute. Eh ouais. Et du coup, en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est que Psyclapse, ça deviendra le nom d'un sous-label, en fait, de Psygnosis. Donc Rien ne se voilà. perd, tout se transforme. Voilà. Et d'ailleurs, petite trivia nulle, c'est donc Psygnosis a été cofondé par Sam Dyer et Steve Erickson. Mais Sam Dyer, il me semble que c'est l'un de ceux qui fait les trucs de chez Bitmap Books. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Pendant les news, en fait, j'ai recherché, parce que cet après-midi, en regardant en fait mes notes, je me suis dit, tiens, merde, Sam Dyer, ça me dit quelque chose. Et apparemment, c'est bien le même monsieur. Donc voilà, Un gars j'ai encore sûr. quelques. Voilà, exactement. Non, mais Un gars bien sûr. sûr. Et si vous voulez, il existe un documentaire sur Imagine qui avait été C'est fait quoi? par C'est la télé. Par la le documentaire de la BBC où ils ont Oui, filmé oui, en oui. direct la banqueroute? C'est Il est celui-là. fabuleux. Il est fabuleux. Si vous l'avez jamais vu, allez-y. Je crois que c'est dans celui-là où on voit des gens péter des câbles et tout, Bah oui, mais en fait, machin. c'est ce documentaire qui montre comment la boîte, elle a explosé. Vraiment, Oui. la banqueroute, tu la vois dans ce Alors, documentaire. c'est dispo sur YouTube. Si j'arrive à retrouver le lien, je vais vous mettre dans le chat parce que c'est fabuleux. Ouais, t'as regardé ça, toi, Bozic? Oui. Je connais un peu, Bon, ouais. c'est un Non, classique, hein. mais C'est un classique. c'est. Non, mais Psygnosis, leur histoire, elle est fabuleuse. Ce qui s'est passé avant, c'est fabuleux. Cette boîte, elle est fabuleuse. Donc voilà. Ça, Donc, vas-y, vas-y, c'est. Beyond. Non, je dis, voilà, qu'est-ce qui a fait que Psygnosis a connu le succès? Bon, donc comme tu as dit, sur les cendres des quelques Vaporware qui traînaient, ils ont créé des jeux, les premiers jeux qui sont sortis au départ, donc sur les Amiga et Atari ST. Des jeux dont personnellement moi j'ai jamais entendu parler, comme Bratakas par exemple, ou Deep Space, que je connais absolument pas. Deep Space, je connais de nom, mais j'ai jamais joué. Mais le premier jeu apparemment qui a vraiment mis vraiment D'accord. permis voilà de se faire connaître, Barbarian, non? c'est Barbarian, oui. Ouais, effectivement. Ah bah oui. Alors, Barbarian, non, c'est pas développé par Psygnosis, c'est développé par Melbourne House, mais c'est Psygnosis qui a publié le jeu. Et Oui. donc Barbarian, est-ce que certains d'entre vous, les petits vieux, ont joué à Barbarian? Bah oui, mais Ouais, comme moi aussi, tout ouais. le monde, je pense, Oui. c'était vraiment une vitrine de l'Amstrad à l'époque, hein, il me semble, Bah, quand même. moi Un j'étais jeu pas où né. tu pouvais. Un jeu où tu pouvais faire sauter des têtes. Ouais, c'est ça. C'était Ah ouais. très. Et surtout avec des animations qui étaient folles hein, à l'époque, hein, quand même. Hein. Le 2, j'y ai joué Qui c'est qui récemment. se rappelle de la pub de Barbarian? C'était avec le bodybuildé et puis la nana Exactement. qui sortait Ah. de Conan le Barbare un peu, quoi. Ça, et puis, je Voilà. pense que ça a marqué beaucoup, beaucoup de jeunes gens à l'époque, parce que Ah, mais. c'était vraiment, en termes d'icônes, là, ils ont fait fort, hein. Sur Ouais, le ouais, ouais, star-là. ouais. Ouais, mais carrément. Mais le jeu était très bon. Il y avait, c'était très difficile. Il y avait énormément d'animation pour les personnages, extrêmement bien animés. On n'était vraiment pas loin dans la fluidité d'un Prince of Persia, hein, réellement. Hein. Après, c'était assez lourd quand même. C'était un truc à prendre en Bah, en main. termes de maniabilité, Ah c'est une oui, non. maniabilité d'époque. Hein. Tu Oui, peux voilà. pas. Mais voilà, c'est ça. C'était C'est d'époque. Donc totalement du ça. coup, c'était normal et c'était quand même, bah, c'était chouette. Hein. C'était vraiment chouette. C'était vraiment une vitrine des micro-ordinateurs de l'époque. Hein. Ça faisait vendre, ça. En preuve évidemment que le jeu a eu du succès, on le retrouve décliné ensuite sur le CPC et le Commodore 64 en version DOS et en version ZX Spectrum. C'est ça. Donc hop, allons-y gaiement. Mais bon, comme c'était d'habitude à l'époque de décliner sous plein de versions. Oh oui, c'est pas un phénomène nouveau de maintenant, hein. Ça existait déjà à l'époque, hein. Ah bah de toute façon, oui, tout sortait partout, hein, oui. Et Alors, ensuite, oui, c'est pas vas-y. vraiment que tout sortait partout, c'est qu'ils étaient un peu obligés, en fait. Bah, il fallait rentabiliser. Ah bah Voilà, oui. ouais. Ouais. Comme maintenant, hein. C'est. Ouais, bon, enfin, quand tu vois à l'époque, t'avais quoi? T'avais contre. Allez, on va dire, pour schématiser, le Spectrum, l'Amstrad, l'Atari ST, l'Amiga aussi, un peu le Commodore Commodore, 64, BBC, le BBC Micro, t'avais quoi aussi? Le oui, Dragon 32? et sans la pub, sans tout ce qu'il y avait maintenant en termes de Voilà, donc dans la pub et tout, on... c'est vrai, Voilà. c'était pas la même époque, effectivement. Voilà. Donc on est, tu vois, dans un truc, comment dire, dans un espace de 5, 6, 7, 8 ans, où tu te retrouves avec 7, voire 8 ordi en concurrence. Donc C'est si t'es un ça, peu obligé, voilà. avec quand même juste pour bien montrer, c'est que derrière les boîtes, c'était toujours les écrans de jeu de la version Amiga, hein, quand même. Ah oui, mais ils sont pas fous, les gars. Ça devait faire Ah, une surprise quand. Oui, putain, ça devait faire une surprise. ouais, On s'est c'était. tous fait avoir par ça. C'est Ah, ben c'est comme clair. sur The Witcher 3, ils vont mettre les écrans de jeu PC derrière la boîte de Bah, non, Switch. mais Et les c'est gens, ils vont faire clairement. eux. C'est pour ça que les crapuleries de maintenant, c'était déjà les mêmes choses à l'époque. Mais oui. Oui, c'est pas nouveau, hein. Ouais. Alors les publicités faisaient envie parce que c'était Non, mais. aussi les écrans Amiga, quoi. Mais bon, Bah voilà. non, parce que si tu mettais effectivement certains jeux Commodore 64 ou l'Amstrad CPC, ça donnait moins envie d'acheter, Oui, mais effectivement. enfin, après, je pense que, comment dire, ceux qui avaient un micro de l'époque, un Amstrad ou, voilà, ou un Commodore 64, ils savaient Ils à peu près savaient, ce oui. qui... Non, mais je pense qu'ils savaient à peu près ce qui était possible de faire avec Ouais. leur machine et ce qui n'était Quoi, pas possible de faire ma avec, machine quoi, fait donc, ça? c'est Ouais, ça. cool. Ensuite, Beyond. Non, j'ai dit, non, ensuite, j'ai dit, voilà, il y a quelques jeux suivants qui sont sortis un peu dispensables que tout le monde a oublié, comme Baal ou Chrono Quest, et qui n'ont pas connu de succès ni critique, ni. Voilà, c'était vraiment des jeux bateaux, tout ça. Le prochain jeu à vraiment faire parler de lui, il va s'appeler Ballistix. Ballistix, donc fait par la société qui s'appelle Reflection Interactive, qui se trouve qui est la même société qui a fait un autre jeu dont on risque de parler Oh après. oui. Oui. Oui. Réflexion, ouais. Qui Oui. s'appelle L'ombre de la bête. Ah, un grand jeu préféré de Monsieur Sapin. Entre autres, hein, tu as aussi Destruction Derby, je crois, Ouais. Mais après, qui comme tu sais, est quand je fait. parlais de jeu, il y a que je pense que n'importe qui a déjà joué à un jeu Psygnosis. Psygnosis. Je pensais à Shadow of the Beast. Hein. Ouais. Je pense que Shadow of the Ouais. Beast. Mais comme Monsieur Chou, moi, d'abord, c'était d'abord Wipeout que j'avais en tête aussi, mais Shadow of the Beast, évidemment. Mythique. Et En moi, fait, c'est Ballistix, rigolo ça m'a parce que toujours fait moi. penser à Ballisto. Je sais, c'est très con. Ballisto. Shadow of the Ballisto. Et en fait, donc la version, l'année 1989, on va être très intéressante et charnière pour Psygnosis, puisque ils vont sortir donc Ballistix et Shadow of the Beast de la même société, et ils vont également sortir un troisième jeu qui s'appelle Blood Money, Ah oui. dont les développeurs sont un certain DMA Design. Yep. On n'a pas déjà fait un podcast sur eux par C'est hasard, non? possible, hein. Qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. Je dis ça comme ça sur la chaîne de Monsieur Alors, Chou. tiens, on va un peu voilà, parce que moi. D'ailleurs, c'est rigolo. Blood Money, le premier GTA, Unirasers, un jeu dont on va parler après, à savoir Lemmings. On doit ça en fait à un même créateur qui s'appelle Dave Jones. Tout se recoupe de toute façon dans le milieu du jeu. Tout. Mais Blood Et Money, donc. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shmup qui Oui. se joue un peu à la manière d'un Fantasy Zone, je crois, si ma mémoire est bonne. J'ai jamais joué. J'ai C'est jamais ça. joué en Mais il était Unisimul. considéré comme un très bon shoot à l'époque. Du moins, un Ouais. truc relativement solide et très intéressant à jouer. Sur Amiga, ouais, pour cette époque, surtout en 89, il n'y a pas à se plaindre. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et aussi, il est très inspiré de Monsieur Ellie de ARM, en fait. Ah oui, grave, totalement. Ouais. Peut-être même plus inspiré dans le gameplay de Mister Ellie. Ouais. Bon, j'ai une chose à dire. Je vais encore me faire détester. Je vous attends sur le T'es plus à chat. ça près, tu sais. Mais je vais poser une question. À part la réalisation, qu'est-ce qui a fait que Shadow of the Beast était considéré comme un bon jeu? Non, La bah, réalisation. Shadow of the Beast, c'était de la. Enfin, attention. Je vais pas en La parler en mode, musique. en mode je connais plus que les autres, parce que bon, c'est pas le cas. J'ai pas eu un Amiga avant 2016. Et moi, j'y ai joué sur Voilà. Mega. Voilà. Quoique j'en ai eu un avant, mais voilà, je m'en étais séparé. Enfin bref. Ça, pour moi, dans l'idée que je m'en ai toujours fait, c'était la vitrine technique de ce qui était possible de faire avec un Amiga. Mais ça n'a jamais été un jeu au gameplay parfait. Au contraire, c'est plus que discutable. Bah, C'est raide, c'est rigide. c'est aussi pour ça que ça a été une des vitrines de la Mega Drive. Il a aussi, eu ce oui. même rôle sur la Mega Drive. Des gros sprites, une musique qui tabasse. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours cette empreinte des jeux Amiga et Atari, c'est-à-dire tu sais, des scrollings énormes, enfin plein de scrolling à l'arrière. Ouais, des gros sprites aussi. Des très gros dégradés pour montrer toutes les couleurs affichables des machines, et mais un personnage assez rigide dans les déplacements. Ça, c'est vraiment l'empreinte de plein de jeux Atari et Amiga, je trouve. Non, mais ouais, Capsilver et Super Goat, ils ont raison sur le chat. Hein. Entre le scrolling et même le dégradé de couleurs, effectivement, ouais. Ouais. Oui. C'est ça. Hein. Techniquement, le jeu était là. Mais c'était impressionnant quand tu voyais le défilement des nuages, évidemment. Mmh. C'était beau. Mais c'est aussi pour ça que les gens l'ont aimé. Moi, le premier, la première fois que j'ai joué sur Mega Drive, je fais « Waouh, c'est cool !» Et après, quand tu creuses le jeu, que tu commences à jouer, tu fais... Voilà quoi. Je me souviens Sapin avoir vu jouer Sapin sur le jeu en version Mega Drive dans Console Mania à l'époque. J'avais mal pour lui quoi. Surtout oui, non, que mais le surtout, jeu, je le connaissais surtout quoi. Surtout que lui découvrait le jeu. Oui, voilà. C'est la même chose quand tu le découvres quand t'es petit, quand il sort et tout, et que tu le découvres maintenant. Voilà. Tu le découvres maintenant, effectivement, tu es en droit de te demander pourquoi. Qui s'est passé. Le portage était réussi ou pas je crois pas en plus. Si. De Mega Drive ouais. Non, c'est pas mal, mais je suis pas sûr. Je peux pas juger, j'ai jamais joué aux autres versions. D'accord. Moi, celui de Mega Drive, je trouvais relativement bien pour la machine à l'époque. Il avait été bien noté dans la presse de mémoire, il me semble. Après, je connais pas la version. Attends, je regarde. J'avais pris des notes en fait pour quelques jeux. J'avais retrouvé dans un joystick, c'était 82%, c'est ça ? Ouais, 82%. Et ouais, pareil, moi je connais que la version Mega Drive, donc je peux pas dire. Moi non plus, je peux pas juger. Attends, j'ai regardé sur la page wiki. Alors, qu'est-ce qu'ils disent 82%, c'était déjà je crois que le moins bon portage, enfin, qui avait été le portage qui avait été moins bien accueilli, selon les notes en fait qui sont sur le wiki, c'était le portage Atari ST qui était décevant. Enfin, je m'en souviens. Super Goret est d'accord avec toi. Il faut dire aussi qu'à l'époque, la notation, quand un jeu était en dessous de 80, c'était un jeu moyen. Hein. Non, mais vraiment, c'était comme ça. Oui, après la notation de l'époque, tu sais. Ouais. On parle de notes des notes de maintenant, les gens se plaignent des notes de maintenant. Après, attention, la Mega Drive, elle était incapable de faire tout ce qui était possible de faire avec un Amiga, on est bien d'accord. Ouais, c'est pour ça que je disais ça. En termes de son, palette de couleurs et tout. Ouais, mais en termes de jeu par rapport à la machine pure, oui. Je pense que c'est relativement correct. Oui, la comparer par rapport aux machines plus puissantes, ouais, pas possible. Mais pour l'époque, tu vois, tu branches ta Mega Drive, tu vois ça, tu fais « Ah ouais, quand même, c'est cool. » Tu sais, tu passes de ta Master System, tu tombes sur ça. Ouais. Il existe un portage Master System aussi, ça, non ? Watch Dogs Abyss, oui. Jamais sur Master System. Non, il n'existe pas. Alors là, par contre, il doit faire mal, celui-là. Ah, Tech Magic, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Il existe. Voilà. Vous voulez me faire mal au cœur en fait, c'est Tu as déjà joué Biron ? Parce que je l'ai. Bah, Super Goret, c'était exactement mon cas. Je connaissais pas les autres versions, je connaissais que la version Mega Drive. Ah, ça a été fait par Tech Magic. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Et bonsoir Nicoban. Pac-Mania, New Zealand Story, c'est eux qui ont fait ça sur Master System. Ah, c'est eux qui ont fait ça et qui m'ont fait pleurer du sang tellement c'est dur. Ah, il est bien. Ah, il est. Non, mais il est très difficilement terminé. Oui, mais il est cool. C'est un enfer ce jeu. Donc voilà. Et donc ensuite, Psygnosis va continuer, donc va faire ce qu'on faisait à l'époque, tenter de nouvelles choses avec des jeux qui sont totalement tombés dans l'oubli, comme Anarchy, Atomino ou Awesome, qui n'étaient pas si awesome que ça finalement. Et sortir des suites de ces jeux à succès, à savoir Shadow of the Beast 2 et Barbarian 2. Oui. Bon, jusque là normal. À noter un petit jeu qui vont éditer sur Amiga, là où Electronic Arts va se charger de la version console, qui s'appelle The Killing Game Show. Ah, Fatal Rewind sur Mega Drive sous le nom Fatal Rewind. Ouais. Alors pour la private joke, je voulais ouvrir ce podcast avec la fameuse version. Signé Mister MV. Ah, le problème, c'est fait, merde. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à trouver de moment où reconnaissait vraiment la chanson et où il y avait pas Ken qui était là en mode putain mais ferme ta gueule. Donc je me suis dit non. C'est un truc qui est vraiment particulier pour nous. Hein. Ça, je l'ai re-regardé pendant mon déménagement en fait. Ceci étant dit, je vais quand même le mettre sur le lien parce que ceux qui savent pas. C'était pas là où ils ont fait Fatal Hanouka ? Si, non, mais il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Fatal Rewind, je veux dire, c'est pas un mauvais jeu quand même. Non, mais c'est juste, il y a putain de jeu. C'est vrai, mais c'est ça, ça fait partie des jeux d'époque qui sont. Oui, oui, très difficile, mais encore un jeu typiquement Amiga, quoi, très beau. Ah, mais oui, ça. Totalement, oui. Non, mais c'est des jeux qui, maintenant, quand tu commences à y jouer, faut être bien accroché, quoi. Parce que ouais, l'effet ouais. robotique, tu sais, dans le design des machins et tout, quand même, c'est vachement joli, hein, je trouve. Hein. C'est bien. Oui, non, bah, c'est pas la question. C'est juste le jeu, ouais. en fait. Voilà. Il est tellement dur. Et je pense que, comment dire, tu mets deux personnages comme MV et Ken Bogard dans la même pièce avec un jeu très dur et il y en a un sur deux qui n'a pas envie de jouer, bah forcément, ça va donner des mouvements comme ça. Et puis quoi. Ça reste des jeux qui, tu donnes ça à quelqu'un qui ne connaît pas, tu lui dis joue, il abandonne très vite. Ah, c'est oui, des jeux qui maintenant, si tu n'as si pas un minimum de connaissances... Ils l'ont fini en de plus, jeu, je crois. Oui, oui. C'est le genre de jeux qui maintenant sont difficilement jouables pour des gens qui ne sont pas habitués à ça. Alors, c'est des jeux qui ont mal vieilli pour ça. Juste pour noter, Killing Game Show / Fatal Rewind, on doit une petite société, je vais arriver à le dire, qui s'appelle Raising Hell Software, qui deviendra quelques années plus tard Bizarre Création. Ah oui, bizarre. Voilà. Metropolis Street Racer, projet Gotham Racing, tout ça. Mais on va reparler d'eux, de toute façon, parce qu'il y a un autre oui, jeu. Oui, non, ben oui. Juste après. Il y a tellement de choses à parler. Notamment, avant même de continuer sur les jeux, même le logo. Moi, ça fait partie des logos, en fait, de l'époque... En fait, c'est marrant, mais je m'intéressais vraiment à savoir qui faisait les jeux à l'époque de la PlayStation, quoi. Bah, surtout que le logo, mais... les gens, je pense qu'il y a une mésentente sur le logo. Hein. C'est-à-dire c'est pas une chouette. Hein. C'est un hibou, hein. C'est un hibou. Oui. Effectivement. C'est un mais par contre, c'est un truc de ouf parce que, bon, je vais le dire, mais j'ai joué à aucun de leurs jeux. Par contre, je connaissais mais leur logo parce qu'il est trop cool. Merci à Roger Dean parce que c'est lui. Oui, voilà, j'allais en parler, effectivement. Oui. Il y a vraiment une patte. Et on l'entend hurler dans le début d'Alundra quand tu le lances. Ah bah si, bah oui, alors oui si, j'avais dû voir sur Alundra et d'autres jeux, mais dont on parlera un peu plus tard sans doute. Je me rappelle quand je jouais au jeu, j'avais un petit frère qui jouait avec moi, il avait peur chaque fois que je lançais Alundra, le nom du hibou. Enfin bref. Et on va venir assez rapidement à l'année 1991 où on va parler du jeu qui est sans doute à l'heure actuelle leur plus gros succès. Ça comme ça. Histoire de petits bonhommes aux cheveux verts et très intelligents. Alors moi j'ai jamais trop aimé ce jeu-là. Mais moi non plus. Les Lemmings. Non, je kiffe, je surkiffe ce truc. Ah ouais, t'aimes bien. J'aime beaucoup les persos, le son design me fait rire. Mais en termes de jeu, ça a été un enfer pour moi. Moi ça me faisait penser au Fraggle Rock. Tu sais, les petits bonhommes. Ils ont un peu la même tronche en plus. Par contre, jamais de bol. Ah tiens, bonjour, bonsoir, jamais de bol. Par contre, moi, il y a un truc que je déteste dans les mix, c'est la musique en fait. C'est des. Comment dire, c'est de la musique et dans le domaine public, il me semble qu'ils ont remixé à la sauce Amiga, voilà. Ouais, c'est des morceaux classiques. Voilà, moi ça a toujours été un truc que j'aimais pas dans les mix. Mais en fait, je me suis aperçu en fait de l'impact que pouvait avoir un jeu comme les mix. Ça m'a remonté il y a 2 ans en fait, lors d'une exposition. J'avais en fait tous les midis en fait, mon expo était ouverte. Et j'avais en fait, comment dire, une mère de famille qui venait en fait avec sa fille handicapée. Parce qu'en fait, elle habitait pas loin à côté, puis bon, c'était cool, quoi. Et tous les jours, en fait, la gamine, elle venait jouer à Lemmings. Et en fait, je me suis aperçu en fait de l'impact qu'avait le jeu, c'est-à-dire que la gamine, elle parle à personne. Puis en fait, au bout d'une semaine, j'ai appris à communiquer avec elle à travers un jeu vidéo. Et là, tu dis, waouh, quand même, c'est un peu. Je ne vais pas dire que c'est un peu étrange, mais c'est un peu étrange, voir un peu les liens que tu peux créer avec des gens à travers ce média. Et les mix, comment dire, j'ai vraiment appris à réapprécier le jeu après. Bien sûr, ce n'est pas un jeu que je suis capable de terminer, parce que je n'ai pas tellement envie de vomir du sang, mais voilà. Donc, petite liste relativement exhaustive pour rigoler. Lemmings est paru sur Atari ST, MS-DOS, ZX Spectrum, Amiga CD TV, Super Nintendo, Acorn Archimède, NES, X68000, PC98, TurboGrafx CD, Lynx, Master System, Mega Drive, CPC, SAM Coupé, Commodore 64, Amiga CD32, Philips CDI, Game Gear, Game Boy, 3DO, Windows 95, Macintosh, PlayStation, Game Boy Color, PSP et PS3. Ton aspirateur... En fait, t'aurais juste dit tout, partout. C'est l'un des... Non, mais il fait partout, partie. C'est pas, il fait pas partie des jeux avec Doom à avoir été porté le plus de fois. Si t'avais dit partout, t'en aurais oublié. Donc c'est vrai qu'à l'époque, enfin, tout le monde. Enfin, moi, je sais que tu pouvais pas passer à côté de Lemmings si tout le monde avait une version. Enfin, à un moment ou à un autre, a eu accès à une version de Lemmings. Bah, tu sais que le jeu est un monstre. Lorsqu'il est sorti, premier jour, il s'est vendu à 55 000 exemplaires. Si tu remets ça dans le contexte de l'époque... Il y a un truc aussi qui était fou. Moi, en tout cas, il y a un truc qui m'a marqué à l'époque dans le jeu. C'est phénoménal. Hein. Le truc qui m'a marqué à l'époque dans le jeu, c'était en fait tous les petits bruitages, en fait, toutes les petites voix digitalisées. Moi, c'était vraiment un truc qui me faisait rigoler. Et quand tu démarres un niveau, en fait, les Lemmings, ils font un petit bruit. Et c'est des années après que j'ai compris, en fait, ce qu'ils disaient. Ils disent « Let's go ». Mais la voix, elle est tellement compressée, elle est tellement bizarre que j'ai jamais compris à l'époque. Je te jure, c'est vrai. Oh, hein, c'est... J'avais jamais fait ça. C'est il y a deux ans, en fait, je te dis, quand dans l'heure des pauses déjeuner, je me souviens plus comment elle s'appelait. Enfin bref, quand la gamine, elle venait jouer. Et c'est là, en fait, c'est une fois, en fait, en lançant un niveau, genre, il n'y avait pas de bruit dans la salle à part ce jeu. Et c'est là où je me suis dit, ah tiens, merde, ils disent let's go. Il me semble, après, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et trivia tout nul, vous savez pourquoi ils ont les cheveux verts? Non. Tout simplement par rapport à la limitation de la palette EGA du PC. D'accord. C'est uniquement pour ça. C'est même pas un choix de design ou quoi que ce soit. C'est que bon. J'ai technique, cheveux verts. Yeah. J'ai vérifié, ils disent bien let's go. Ça me rassure. Ben voilà, je l'ai appris maintenant. Merci, voilà. Monsieur Chou. Et pour vous aussi apprenez des trucs avec le podcast du collectionneur. Hein. L'émission familiale. Pour continuer avec l'héritage de Lemmings, ils ont sorti une extension qui s'appelait Oh No More Lemmings. Bon, ça se faisait à l'époque sur PC avec des niveaux supplémentaires. Ouais. Et il y a eu également après Lemmings 2 The Tribes, qui aussi est adapté beaucoup sur console. All New World of Lemmings, qui lui, à ma connaissance, n'est jamais arrivé sur une console. Il y en existe encore un autre, je crois. N'existe pas Christmas Lemmings, un truc comme ça? Tout est possible, je question. Pense. Il y a eu le tout à fait dispensable 3D Lemmings qu'on préfère oublier. Oh mon dieu! Ah oui, alors lui, c'était. Je ne l'ai jamais vu tourner, j'y ai jamais joué. Ah oh là, bah tu es une horreur. Et ici, voilà. Je veux pas savoir. Et à noter, donc, comme Cap nous disait, Cap Silver, on disait tout à l'heure dans le chat, il y a eu un jeu de plateforme dérivé qui s'appelle The Adventure of Lomax. Lomax, ouais, PS1, ah oui, que j'ai, qui est sympa. Hein. Qui est ni plus ni moins que la suite spirituelle. Du fameux jeu, dont j'ai oublié le nom, que je vais retrouver. Adventure of Link. Voilà, ouais. Sur Mega Drive, qui ouais. se passe, ben, vraiment, c'est le même monde, c'est le même gameplay, c'est la façon de jouer. Ouais. Ouais, ouais. Et okay. Il est sorti également apparemment sur Windows, c'est même pas qu'il y avait une version Windows. Il fait partie de ces jeux à l'époque qui ont été très boudés parce que c'était de la plateforme 2D et que c'était pas trop dans le move de l'époque. Par contre, sur la vague d'un Rayman et ce genre-là aussi. Ouais. Ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas une cote extrêmement élevée, mais par contre que vous n'allez pas croiser à tous les coins de rue sur PS1. Ouais. Ouais. Donc si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas trop. Voilà. Ouais, je l'ai dans ma collègue, qui est sympa. Donc il y a aussi un Lemmings Revolution qui est sorti en 2000, non? Ouais. Le match Beyond, ok. Ouais, mais par contre, Revolution, en fait. Par contre, Miss Adventure Flick, lui, c'est violent les prix. Alors, Flink, écoute, mais alors par contre, je suis en train de zioter un petit peu eBay en même temps que je vous parle, et Lomax, en vrai, ben... 40-50 balles. Ben aujourd'hui, en France, la version FR, le dernier est parti aux enchères à 72 euros. Ouais, non, mais je suis pas étonné. En parfait état. Mais en même temps, c'est pas un jeu que tu vois beaucoup. Voilà, c'est un jeu qui est... C'est un jeu que tu vois, c'est tout. Hein. Voilà. Ouais. Et j'ai retrouvé mes infos. C'était Xmas Lemmings et c'était en fait une démo de 4 niveaux qui était distribuée dans les magazines. Avec Christmas. Et oui, par contre, effectivement, des jeux qui sont inspirés des Lemmings, oui, Krusty Funhouse, oui, effectivement. Ah oui, Krusty Super Funhouse. Et Mario vs Donkey Kong, c'est vrai que j'avais totalement zappé, mais c'est vrai aussi. Comme quoi, c'est ça, hein, aussi, Lemmings, ouais. C'est vrai que Krusty's Funhouse, il y avait de ça, hein, Kira et tout. C'est un rip-off de Lemmings, mais avec Krusty, quoi. Ils sont pas faits. Avec, il est super beau, le jeu, je trouve, Krusty's Funhouse. Bah, quand t'aimes les Simpsons comme moi, je pense que tu joues. Il est beau. C'est un agréable moment, même si tu rages. Bah, c'est pas ça, c'est que pour une fois que t'avais un jeu à l'époque, bon, même si, je veux dire, il est pas ultra fidèle à la série. Mais tu sens que le jeu n'est pas non plus fini à la piste, quoi. Non, donc... Non, t'as la tête de Krusty, tu rigoles. Voilà, ouais. La tête de Krusty, je suis content. C'est hey ouais. Voilà. Ouais, ouais, c'est... Donc, mon bon billon d'après. Ouais, je pense que suite à la suite au succès de Lemmings, ils ont eu, on va dire, sur le coup, c'est une période un petit peu creuse. Où il va y avoir, donc ils vont être éditeurs de pas mal de jeux, de versions de certains jeux, comme le Bram Stoker's Dracula qu'on trouve sur console, le Last Action Hero, pas très bon, je crois, les gars. Jeux comme Microcosm, Shadow of the Beast 3. D'ailleurs, Shadow of the Beast 3, ils ont publié sur quelle console? Ah non, ils ont publié. Ah, mais ils sont sortis que sur Amiga Beast. Que sur Amiga, ouais. C'était pas compliqué. Et ensuite, on va retrouver nous, Psygnosis, les amoureux de nous, je dis nous, les amoureux de la Mega Drive. On va le retrouver sur Mega Drive au travers d'un jeu qui, moi, à l'époque, de deux jeux avec des gameplays différents et vraiment sympas à l'époque, qui sont d'une part Bugsy. Oui, très innovant, je trouve, pour l'époque, ce jeu. Oui, je trouvais juste le personnage qui ressemblait à une testicule très moche. Oui, voilà. Ouais. Alors, oui, non, mais c'est vrai que le personnage était dégueulasse, mais le. Après, c'est une couille rasée en fait. On dirait un espèce de moteur physique. Je sais pas si je pourrais. C'est ça comme ça, mais. T'avais vraiment une interaction entre les objets et qui était à la base de la résolution des énigmes. Le gameplay est intéressant, la réalisation était vraiment sympa à l'époque. Ouais. Il existe une version Mega CD qui est encore mieux, qui rajoute des niveaux. Et Pugsy est, on peut dire, le premier succès d'un studio qui s'appelle Traveler's Tales. Ah oui. Les fameux encore. Hein. Voilà. Prenez les deux initiales et vous saurez. On retrouvera plus tard sur du Toy Story, Sonic 3D Blast, tout ce genre de choses. Et l'autre jeu dont j'avais parlé, c'est, hop, j'ai dit de retenir tout à l'heure, Rising Hell Software. À savoir Bizarre Création, c'est un jeu qui s'appelle Wiz and Liz. Ah oui, bah, qui fait énormément penser à Pugsy dans le graphisme. Aussi. Et alors, Wiz and Liz, qu'est-ce que c'est donc? C'est un jeu dans lequel on attrape des lapins. Ouais. Voilà, je crois qu'on peut dire. Vous jouez des petits sorciers qui attrapent des lapins pour pouvoir avoir des ingrédients pour faire des potions. Voilà. Alors, dit comme ça, ça a l'air un peu nul. En vrai. C'est un jeu de plateforme qui est un peu foufou parce que avec donc sur Mega Drive et sur Amiga, on pouvait avoir des scrollings rapides, pas comme sur Super Nintendo. Et donc sur le coup, le jeu est une espèce de platformer un peu vénère qui part un peu dans tous les sens et qui est assez rigolo. Oui, qui a toujours en commun, franchement j'insiste quand même, mais c'est des graphismes extrêmement chiadés, je trouve, dans les détails et tout. C'est vraiment gêné vide dans leur truc, c'est fou quoi. Dans les personnages de Wiz and Liz, par exemple. Ils sont vraiment très beaux. Et ça vous laisse sans voix. Ah ouais. Ça reste des jeux que je connais assez peu. Je l'ai dans ma collecte, mais je n'y ai pas joué beaucoup, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop. Et donc en suivant, non. Quelques temps après, ils développeront et publieront donc The Misadventure of Link, comme on l'a dit. Ça, par contre. Qui a connu une version Amiga CD32 que je n'ai jamais touchée. Et qu'il y a une version Sega CD que si vous croyez que la version Mega Drive est chère, voilà. La version Sega CD, surtout les musiques. Juste. Ah là là, les graphismes, je reviens là-dessus encore, parce que là, il y a un mystère un petit peu que j'ai depuis l'époque quand j'avais lu le test dans Player One. Player One, je me rappelle du test, parce qu'ils avaient, ils soutenaient, enfin le testeur, se demander s'il n'y avait pas eu un boost de cartouche pour savoir si pour rajouter le nombre de couleurs. Et je me demandais, mais est-ce que c'était possible ça? Mais c'est pas possible en fait. Alors, c'est juste... Non, on le sait maintenant, puisqu'il tourne exactement comme les autres sur n'importe quel Mega SG. Il n'y a pas de puce supplémentaire, il n'y a que Virtua Racing qui a une puce supplémentaire. C'est juste un choix extrêmement judicieux des couleurs en réalité. C'est voilà, tout. C'est juste un très très gros travail graphique. Ouais, parce que c'est assez spectaculaire. Hein. Quand on voit les designs des nuages, c'est juste fou. Hein. franchement. Bah, tu parlais de Player One, on parlait des musiques de Flink. Vous pouvez retrouver une des musiques de Flink Mega CD sur le CD spécial de Player One. D'accord. Ça, on en parle régulièrement, mais... Ah oui. Donc, c'est là qu'il maîtrisait la machine, quand même. Oui, mais de toute façon, de base, techniquement, ils ont toujours été oui. très très forts. Hein. D'ailleurs, on peut parler d'un jeu qui est sorti un an avant sur Amiga. Hein. Je ne sais pas si tu vas en parler, Beyond. Hein. Ah, dis donc. Shoot 'em up. Qui s'appelle Agony. Ah, moi, je ne connais pas du tout. Vas-y, si tu veux en parler. Ah, non, mais t'es obligé de connaître. Agony. Non, non, c'est un shoot 'em up sorti en 92. C'est Frank Sauer qui s'est occupé des graphismes, mais comment dire ça ? La première fois que j'ai vu le jeu. C'est Arte Magic le jeu, non ? C'est le studio, Arte Magic. Ouais. Hein ? Mais c'est Psygnosis, quoi. Et Agony, en fait, c'est un shoot avec une sorte. On va dire que. Je pense que Colibri s'est légèrement inspiré de ce jeu. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, par contre, on va dire en fait, très légèrement. Pour vous donner comment dire ? Quand j'en parlais avec mon cousin, parce qu'en fait, c'est un des jeux qu'il connaît comme s'il l'avait chié, pour citer Xavier Dang, il me dit toujours Agony, c'est le Shadow of the Beast du shoot 'em up sur Amiga. C'est ce qu'il se dit, mais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est magnifique le jeu, attention. 92, quoi. J'ai essayé d'y jouer il y a quelques temps. J'ai passé un mauvais quart d'heure. Hein. Alors que pourtant, je veux dire, des shmups, j'en ai fait pas mal. Hein. Ouais, mais il est super, super dur. Mais on va dire que c'est un shoot écologique. Quoi. Ouais. Il fait partie il est considéré comme un shoot écologique. Il fait partie des plus grosses baffes de la machine. Mais et c'est bon. Logique alors quand tu le rapproches à Colibri, parce que Colibri, bien, c'était les mecs qui avaient fait Echo, il me semble. Oui, c'est ça. La Palusa. Et je serais pas étonné que Echo, de toute façon, se soit inspiré de. De ça aussi. De Agony, oui. Bah, de toute façon, ouais. Pour un jeu de 92, oui, c'est magnifique. Ah oui. Donc je voulais qu'on en place un petit mot parce que. Oui, oui. Bah, moi, je connais pas. Il m'avait fait fondre les yeux tellement c'était beau. Je connaissais non plus. Et les musiques aussi étaient cool. Mais bon, de toute façon. Appalooza Interactive, Novo Trade, ça s'appelait à l'époque d'Echo. Ok. Et donc. Et d'ailleurs, petite anecdote, en fait, c'est rigolo. Ouais. En fait, beaucoup pensaient à l'époque dans Agony, étant donné que tu joues un hibou, beaucoup pensaient qu'on jouait en fait le hibou de Psygnosis, mais en fait, ouais. C'était pas le cas. Ouais, mais je pense que c'était pas anodin. Je sais pas s'ils ont fait exprès, s'ils ont voulu jouer à la confusion ou pas. Mais l'idée est bonne. Hein. Le rapprochement est normal. Apparemment, non. Apparemment, ça n'a pas été volontaire, mais bon. Le hibou, c'est l'idée de Psygnosis, c'est même pas l'idée du studio, donc ouais. Je pense que c'est pas anodin. Oh, enfin. Mais bon, c'est juste spéculation, donc passons. Et donc, je disais, à partir de 1995, Psygnosis, je ne sais pas le prononcer, va devenir un des acteurs principaux de l'édition de jeux sur les consoles 32 bits, à savoir PlayStation et Saturn. Le premier jeu qu'ils vont publier, c'est DEFCON 5, dont tout le monde se souvient, bien sûr. Oui, totalement. Je l'ai en 15 exemplaires. FPS, Saturn, PS1, tout à fait dispensable et oubliable, bref. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui nous a passé ça. Collection 32X, il y a Motocross Championship. C'est Motocross Championship et je... PTSD, Excusez-moi. DEFCON. DEFCON 5, oui. DEFCON 5, non, mais voilà, DEFCON 5. Ah, il y a Spider-Man aussi, bon, bref. DEFCON 5, qu'on peut largement oublier, ou donc après, donc, ça va devenir plus intéressant à rester. Ils vont publier Destruction Derby sur PS1. Ouais. Ça, il fait partie des jeux qui m'ont marqué quand même. Mais qui aura marqué, c'était le line-up PlayStation quand même. Hein. Oui. Et d'accord. Vraiment. De quoi ? Marqué. Oui. Parce que moi, il fait partie de ces jeux qui m'ont marqué dans le sens où ça m'a conforté dans mon choix de la Saturn. Étant donné que le jeu existe aussi sur Saturn, oui, c'est vrai. Le jeu, c'est... Non, mais parce que je trouvais, j'étais pas un fan de jeux de bagnole. Moi non plus. Voir les déformations en direct. C'est ça. Et surtout le bowl. Se rentrer dedans, tout se défoncer avec. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai acheté le jeu. C'était super. Bah moi, on est d'accord que le jeu était quasi injouable et que la caméra faisait ce qu'elle voulait. Mais ouais, je sais mais pas, attends, c'était pas présenté bien, comme bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, mais combien t'as de jeux de cette époque, y compris sur Saturn, non pas, qui ont une caméra absolument imbitable et de manière méditative. Il y avait du level quand même, c'était le seul jeu où quand tu tournais, la caméra elle tournait pas avec la voiture, quoi. Moi, je me souviens que justement, dans la cour de récré, quand on parlait beaucoup d'ailleurs. De Destruction Derby, justement, parce que c'était vraiment mais un truc, c'était enfin, on pouvait exploser les bagnoles, quoi. C'était voilà, c'est, non, mais c'est ça, tout le monde c'est était fou de ça. Hein. La physique de la carrosserie, destruction, voilà, chaque endroit, tu pouvais péter chaque endroit, feu arrière, tout. Et dans l'absolu, le ball. Et dans l'absolu, le fait qu'en fait, la caméra, tu voyais rien, dans l'absolu, tu t'en foutais, vu que tu avais juste envie d'exploser ta bagnole, quoi qu'il se passe. Oui. Donc, mais c'est ça, en fait, clair. Donc en gros, tu t'en fichais de la maniabilité. Et c'était pas présenté comme un défaut du tout dans les tests, parce que je leur dis, je l'avais pas fait le jeu à l'époque, mais alors je me rappelle les tests, encore. Ceux qui disaient que Toshinden c'était bien à l'époque. Ouais, mais c'est ça, mais complètement, Beyond, mais c'est ça. Et du coup, le Destruction Derby, il le vendait, mais dans le Player One. Bah, tu t'amuses, oh, c'était de la folie. Mais tu t'amuses, moi je me suis amusé avec Destruction Derby. Hein. Bon, après, tu t'es amusé avec les gens de Phyrexia. Non, mais les gens de Phyrexia, il est top tier. T'as dit combien, monsieur Chou? 97% dans Player One. Ah oui, ah ben, quand voilà, même. Voilà, 97% Player One, Beyond. Ouais, c'est quand même, mais quoi, voilà. Non, mais c'est Alundra, elle a eu 11. Hein. Ouais. Passons. Et donc, enfin, l'autre grand jeu, l'autre jeu qui va vraiment marquer l'année 1995 et la sortie de la PlayStation, et Psygnosis, donc, va aider, c'est le fameux V-Boot, oui. Ouais, ah ouais, bah oui, là par contre, ouais. Un V-Put, ouais, non, là par contre, ça rigole plus. Et là par contre, moi, la maniabilité m'a plus dérangé dans Wipeout que dans Destruction Derby. Ah ben moi, l'épilepsie et le vomi, hein, c'est fantastique. Par contre, il est sorti sur Saturn, il n'était pas sorti sur. Alors, non, par contre, il est sorti sur Nintendo 64. Je crois qu'il est sorti sur Master System aussi. Il y a une version qui est sortie sur Nintendo 64, mais qui n'est pas exactement la version. C'est pas. C'est un jeu à part. Alors okay, par contre, si on a envie de rigoler, Wipeout, ça fait partie des jeux, en fait, enfin, des jeux, on va appeler ça quand même des jeux, qui étaient sur la Maniavox Odyssey, en fait. Il y a un jeu qui s'appelait Wipeout. C'est l'histoire de faire un trivia nul. J'essaie d'imaginer à l'époque comment ils ont fait le côté psychiatrique. T'avais un calque voilà, sur la télé. Non, mais je veux dire, Wipeout, il fallait loucher un peu le course futuriste. Parce qu'évidemment, ça prenait ses racines dans les F-Zero, hein, faut le reconnaître. Mais c'était vraiment cette 3D, les dénivelés, je veux dire, des niveaux et tout. Et sur la musique techno. C'était pas les Chemical Brothers qui faisaient. La vitesse. Moi, je me souviens, j'avais la 64 et j'avais Extreme G. Ah oui, avec les motos. C'était le clone de Wipeout. Bah alors non, il me semble qu'il est sorti justement avant Wipeout. Ah bon? Il me semble. J'ai toujours cru qu'il parce que justement, bien. Dans les quand il est sorti, c'était vraiment. C'est trop. Ah, tu parles de quel jeu, moi? Extreme G. Il me semble qu'il est sorti avant Wipeout. Ah oui, les motos, je l'avais aussi. Ouais, parce que justement, c'était alors. Vraiment le truc en mode. Mais je suis pas sûr que ce soit sorti avant. T'es sûr? Ah, je sais plus. Non, je sais pas. Parce que je me souviens, il avait eu un prix, je sais plus où. Si je peux juste dire quelque chose, vas-y. C'est rigolo parce que vous dites Mike, les Chemical Brothers pour la soundtrack. Oui. Le morceau des Chemical Brothers, Chemical Beats, n'est présent que sur la version européenne du jeu PS1. Ah. Il est présent ni sur la version nord-américaine, ni sur la version Saturn du jeu. Et c'est pour ça que ça a marqué. Et Extreme G, c'est 97, moi. Carrément pas. Parce que je me souviens, il a vu un prix sur un. Alors, ça pour un magazine ou je sais pas quoi, et ils lui ont dit voilà le prix du jeu futuriste, enfin de la oufitude, quoi, Extreme G. Et le mois d'après, enfin, je sais plus, après, ils ont dit bon, alors, on avait mis ce prix-là à Extreme G, mais c'est parce qu'on n'avait pas joué à Wipeout, en fait. En mode, finalement, voilà. Donc, les Chemical Brothers, que chez nous bah, c'est peut-être pour ça que ça nous a marqué autant. Mais par contre, on est d'accord qu'après F-Zero X est sorti et les gens ont compris que c'est un bon jeu. Bah pour moi, c'est les mêmes jeux. Du moins, dans la façon de faire, la rapidité qui m'empêche. Les mêmes de jeux jouer. Bah oui, pour moi, hein, parce que je peux pas y jouer. Qu'est-ce que j'entends je... Bah je peux pas y jouer. C'est vrai que c'est pas un gameplay identique quand même. Hein. C'est super rapide, ça pète de partout, ça me donne envie de vomir. C'est les mêmes jeux. Alors vrai, ah, pourtant. Wipeout, moi, ça m'a. Quand le premier est sorti, j'ai repris F-Zero Super Nintendo. Et quand l'épisode 3 est sorti, j'ai dit « Ah, ben cool, ça y est, il y a F-Zero qui arrive sur Nintendo 64. » J'ai jamais été très très client de Wipeout. C'est plus rigoureux au niveau de la jouabilité. C'est-à-dire que Wipeout, tu prends un mur, tu t'arrêtes, quoi. Ah oui, c'est fini, ouais. C'est blanc. Bah juste, ouais, mais ça demande plus de... Ça demande de savoir jouer. Moi aussi. Non, mais c'est vrai, c'est, ça demande du par cœur de circuit et tout, mais comme tous les jeux, en réalité. Mais je veux dire, c'est... Mais dans... Non, c'est pas pareil, c'est pas mal. Mais dans Wipeout, contrairement à Extreme G, tu n'avais pas de... Quand tu franchissais, enfin dans Extreme G, tu peux franchir le mur du son avec un effet et tout, c'est, ça fait... Est-ce que t'as la musique de Willy Denzer avec t'as la musique qui ça non. En parlant de musique, là aussi, on a quand même deux écoles qui s'opposent, parce qu'entre F-Zero-X et Wipeout, musicalement... Ah oui, t'as les gros rock vénères et l'électro... l'électro-dance des années 90, quoi. C'est, ouais, c'est... la dance. Non, c'est l'électro, l'électro. C'est pas juste la pour information, Destruction Derby a été fait en 9 mois. Voilà, that's... Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est aussi des publicités pour le Red Bull aussi à l'époque. Hein. C'était... c'était ça, quoi. Wipeout. Ouais, enfin, c'était pas Red Bull à l'époque, mais. C'était pas Red Bull? Ah, non, ça existait pas. Je crois pas que ça existait. Ah, si. Je sais pas. Bah, si, c'était interdit en France, je sais bien. Ah, c'est... alors c'est peut-être pour ça que j'en avais jamais vu alors. Mais ouais. Mais ça empêchait pas d'en traiter en France quand même. Et le, je veux dire, le, ouais, bon, on n'avait pas de Red Bull, mais on avait des Kinder Surprise, nous, voilà. Le quatrième jeu qu'ils ont édité en 1995 sur... Pélois a raison, mais c'était avec le cas qu'apparemment, selon la notice Wikipédia, à partir de Wipeout 2097. Ah, d'accord. Okay. Voilà, en 2097, oui, il y a du Red Bull. Oui, oui. Du Red Bull, pardon. En France, oui. L'autre jeu donc, je disais, dont on va parler rapidement, qui a été publié à l'époque sur MS-DOS et PlayStation en 1995, donc cette fameuse année 95, c'est un petit jeu qui s'appelle Discworld. Ah oui. Donc, on en parlait hier, monsieur. Ah, et donc... Terry Pratchett, la vie. C'est ça. On parlait même de Terry Pratchett à cause si de la série. Je lui préfère le 2, mentalement vôtre. Ah donc tu les connais bien toi, vas-y. Je les aime et je les ai, et je les surkiffe. Surtout quand tu connais les bouquins, c'est ça le truc. Oui. Tu connais les livres, t'apprécies encore plus. Bah, voilà. Il me semble que de toute façon, pour les finir plus ou moins comme il fallait, bah, quoi, en gros... Ça va t'aider sur certaines trucs, après il y a certaines énigmes, elles sont tellement plus attractives que même en ayant lu les livres, de toute façon, voilà, moi, comme ça, n'importe c'est... quel point and click, moi, jamais je touche à ça. Toi, comme ça mais ça c'est ça, en fait. Trop... Mais c'est surtout qu'en plus, ça, c'est le délire de Terry Pratchett qui est quand même voilà, difficile à suivre. Des fois. Oui. Donc, du moment que tu as un bagage qui peut te manger, hein, ouais. Bon, pour se déplace avec ses petits pieds. Pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, le héros Rincewind, très souvent en français, était doublé en anglais par Eric Idle, le Monty Python. Voilà. Oui, et en France, c'était Roger Carrel. On connaît grave la voix d'ailleurs. Voilà. Et chez nous, c'était Roger Carrel. Roger Carrel, alors je sais pas, le premier, je suis pas sûr qu'il ait été doublé en français. Le second a été doublé en français. Le premier, je suis moins sûr. Je pense pas que le premier ait été doublé en français. Et franchement, et Roger Carrel, Bosdick, alors là, je n'ai pas fait les jeux. Hein. Mais je veux dire, ça a pas. C'est pas la honte face non, à. Non, le doublage français est exceptionnel. Ah non, le doublage français est très bon. D'ailleurs. Oui. Si vous voulez jouer à Discworld 2 en français sur PS1, il a été doublé en français. La version Saturn, elle, a gardé son doublage anglais. Donc, si vous avez et deux versions... Doublé en français et traduit en français. Tous les textes ont été traduits. Et traduit par qui? Jean Valjean. Est-ce que les traductions non, françaises de... Ah non, de très, Pratchett, très bonne sont exceptionnelles. Bah, en même temps, le traducteur de, je me rappelle plus de son nom, de Terry Pratchett, a été considéré comme le meilleur traducteur. Oui, mais il a, en fait, c'est le seul traducteur qui a eu un prix littéraire, en fait. C'est, voilà. Ah oui, oui, mais je savais pas ça. Ces traductions sont d'un niveau exceptionnel. Oui, pour avoir lu en anglais et en français Terry Pratchett, la façon d'adapter les jeux de mots, ouais. Elle est tout bonnement sensationnelle. Mais c'est un truc qu'aurait pu rendre jaloux Terry Pratchett lui-même, en fait, s'il le savait, ça. C'est rigolo. Mais il le savait. Bah, Ouais. Il était content. Je pense pas qu'il puisse être jaloux puisque c'est de lui que viennent les trucs. Donc... Ouais, mais si c'est une réécriture, tu vois. Bon, bah, c'est adapté. Ouais, tu ouais. Perds pas, en fait, tu perds pas le message d'origine. Ouais. En termes de blagues, les jeux de mots. Ok. Sont là. Ok. C'est assez sensationnel. Ah oh, bah c'est intéressant. Ça. Ok. Donc sur le coup, l'année Discord Noir sont... aussi. Joue à Discord Noir. La ouais, il est très bien. Je l'ai pas encore fait, mais il paraît qu'il est la bien. La version film policier. Voilà. La version PS1 est inférieure apparemment à la version micro, mais et surtout le souci c'est qu'il est assez difficile à trouver sur PS1. Très très difficile à trouver et son prix commence à monter légèrement, mais ça reste aussi un très très très très très. Enfin, les trois sont pas vraiment abordables en termes de prix. Je veux dire, pour un jeu PlayStation 1, c'est quoi? C'est 25-30 balles, un truc comme ça pour le 1. Ouais, mais parce qu'ils sont rares à trouver, c'est des jeux effectivement que tu trouves moins. Et encore, je pense que le 2, c'est celui que tu trouveras le plus facilement. Tiens, je sais pas. Oui et non, puisque le souci, c'est que donc le 2 en français a le doublage français, donc sur le coup, fatalement, il y en a moins d'exemplaires que si ça avait été un jeu européen. Ouais, mais c'est un jeu que j'ai toujours vu plus à la vente que le premier, d'accord, que le noir. Le noir, par contre... Et le pareil, le 2 sur Saturne, la distribution était assez... Et donc, nous arrivons tranquillement à l'année 1996, où sur le coup... auréolé du succès des premiers jeux sur PS1, Psygnosis va exploser en termes d'édition, puisque là, l'année 96 va être absolument exceptionnelle. On va retrouver donc 3D... Non, on s'en fout, 3D Mix. On va retrouver Adidas Power Soccer. Oh mon Dieu, c'était mon premier jeu PlayStation, ça. Un des premiers jeux de foot sur PS1. Où tu pouvais tacler l'arbitre. Ah, mais je m'en souviens, moi. Oui. Vous pouvez faire des shoots Predator, oui. Qui était la marque de chaussures d'Adidas. Des chaussures, effectivement, oui. Et je m'en souviens comme si c'était hier de jeu de chiasse, hein, malheureusement. N'oubliez pas, c'est Jean-Luc Reichmann qui prêtait sa voix. Ah oui. Oh mon Dieu. Voilà. Oh, je crois que j'ai vomi, là. Voilà, je vous lance juste cette information. Ah merde, j'ai vomi. Est-ce que c'est le jeu... Alors, je vais sans doute dire une connerie, parce que je me souviens... Est-ce que c'est le jeu qui était tiré de la pub The Mission? Ou c'est encore un autre jeu? Attends, The Mission. Mission, c'était avec t'avais toutes les stars. Oui, t'avais foot. Je me rappelle plus. T'avais le Dredd nigérian. Oui. T'avais David. T'avais toutes ces qui volaient le ballon en fait. Et leur mission, c'était de voler le ballon pour ramener le foot dans le monde libre, tu vois. Et il y a eu un jeu tiré de ce truc. Sérieux? Ouais. Mais la pub, sans déconner, la pub, elle était ouf. Enfin, c'était vraiment une pub ouf. Et ils ont fait un jeu. Power Soccer, j'en garde très très mauvais souvenir. Et c'est pas ça du coup. Surtout qu'à l'époque, je jouais énormément au foot en vrai. Donc le jeu. Ah mais défoncer l'arbitre, ça n'a pas de prix. Ouais, bon, ça c'est terrible. Donc si nous dit en 96, va continuer donc de publier quelques jeux assez moyens d'action comme Assault. Ah, je me souviens de la pub maintenant, moi. Oui, effectivement, je me souviens. Assault Rigs qu'on aura assez rapidement oublié, d'autres jeux dont on se souvient, mais juste. Attends, parce que... Je mets dans le chat, excusez-moi. D'autres jeux dont on se souvient, mais juste grâce au nom, parce que personne ne sait pas y avoir joué, mais je le connais par cœur, c'est Crazy Ivan, bien sûr. Ah oui, Crazy Ivan. J'ai jamais joué, mais je connais ce jeu. C'est moi, dans ces jeux-là, c'est surtout. Mais je sais pas si tu allais le mentionner, donc je te laisse poursuivre. Et ils vont publier donc en 1996 Formula One. Non, ça, par contre, c'est bien. Oui. Voilà, donc de chez Bizarre Création, c'est le premier jeu sous justement le titre, sous le nom Bizarre Création, et ils vont commencer la série des Formula One, qui va devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une référence sur console au niveau de la Formule 1. Et qu'on fout du Nike et Adidas, hein, au passage, voilà, c'est cadeau. Ils vont publier énormément Nike, de... Il y avait Cantona. Ils vont publier énormément de suites, c'est-à-dire Destruction Derby 2, Discworld 2, Wipeout 2097/XL, soit dit en passant, qui est meilleur sur Saturn que sur PS1, longue histoire. Et ils vont récupérer, on ne sait comment, grâce à leur succès, justement, la licence Disney et sortir donc le Mickey's Wild Adventure sur PS1, qui était l'adaptation de Mickey Mania, et ils vont pouvoir adapter Toy Story sur à peu près toutes les consoles possibles et imaginables de l'époque également. Ah, je pensais que tu allais me sortir une autre licence qui a débuté. Dis donc. Les Colony Wars, moi j'ai adoré ça sur PS. C'est l'année suivante. Ah, c'est l'année suivante. On va y venir. Okay. Colony Wars, c'est en 1997. Ah, je pensais que c'était 96. D'accord. Donc oui, notez que Toy Story, donc encore une fois, fait par Traveler's Tale, qui fait partie de ces jeux, surtout la version Genesis à l'époque, qui a vraiment impressionné par son côté technique, qui reste une belle démonstration, même si le gameplay n'est pas fabuleux de ce qu'on pouvait faire sur les vieilles consoles. Et ensuite, donc, comme tu dis, on va enchaîner sur l'année 97, donc avec Colony Wars, entre autres, qui évidemment arrive. Ouais, voilà, mais c'était vraiment un jeu. Moi, je m'étais pris une claque. Hein. C'était un de mes tout premiers jeux PS1 avec laquelle j'ai découvert la 3D. Et du coup, cette maniabilité dans l'espace de vaisseau et tout, moi, j'étais devenu complètement fou de ce jeu. J'y ai jamais joué. C'est vraiment bien. Vraiment bien. Partie des jeux que j'ai jamais joué. On leur doit la version européenne, la publication de la version européenne d'Alundra, quand même, même si c'est pas eux qui ont fait le jeu. Bah voilà, alors... 11 sur 20. Ouais. Mmh. Là, c'est pas sûr, pour tout dire. Alors, c'est une petite claque. Ah, comme Lost Odyssey. J'ai lu récemment, justement, dans le Role Playing Game Magazine, ils ont publié les interviews du producteur et réalisateur de l'époque. Et le réalisateur le voulait vraiment comme un, il le dit, hein, comme un Zelda hardcore. Hein. Il le présentait comme ça. Il a réussi. Il a réussi. Mais je veux dire, même dans la longueur du jeu, dans les énigmes et tout. Mais le jeu est génial. Hein, ouais, là voilà. Où Zelda était, on va pas dire pas gentil, mais relativement sympathique. C'est ça. Alundra n'est pas sympathique. Et c'est pas sympathique parce qu'en plus, dans l'univers, on reconnaît quand même Beyond, un peu toute l'équipe d'origine qui avait fait les Darkstalkers. Voilà. Landstalker et Dark Savior aussi. Darkstalker, c'est Capcom. Landstalker. En moment de stream. Et voilà. Et donc, c'est ce jeu-là que quand je lançais, j'effrayais mon petit frangin avec le cri du hibou. Mais Alundra, que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais eu. Fais-le en stream si un jour tu peux. Parce que c'est vraiment génial. C'est un jeu génial à faire. Faut le trouver, quoi. Faut t'armer de patience. Il y a des donjons, ils sont sales. Ouais, moi c'est bon, je connais les jeux vidéo, moi je sais jouer. Moi. Non mais je veux dire, c'est de l'énigme zeldaesque porté à son maximum. Ouais. Alors c'est très difficile, mais je parle en connaissance de cause, c'est que c'est pas impossible, hein, parce que je l'ai terminé. Hein, non, sans déconner, t'as fini un jeu toi. Non, parce que pour ceux qui connaissent pas Pell, pardon, Picard, le running gag qui revient régulièrement, c'est que Pell ne finit pas ses jeux. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai. Et là, à Alundra, je l'ai terminé. Voilà. Donc, T'as pas fini la partie du journal. Il y a un truc qui me surprenait quand je lançais le jeu à l'époque, Beyond, c'était la netteté de l'écran. Le jeu brillait, quoi. Tu sais, comme beaucoup de jeux PlayStation, tu sais, quand c'était les blancs. Il était beau de toute façon le jeu. Mais il était super beau. 2D tellement. Enfin, est-ce que tu y jouais avec un câble RGB? Il y a noté qu'Alundra. Pour ceux, si vous voulez vous offrir Alundra aujourd'hui, il n'est pas extrêmement cher. Non. C'est partie de ces jeux qui ne vaut pas les yeux de la tête ou un sans faux. Voilà. Oui. C'est bien. Et au pire des cas, il est sur console, il est sur le PSN à un prix relativement ridicule régulièrement. Oui. Il y a toujours des réductions sur le jeu et vous pouvez vraiment l'avoir à 2-3 euros. Et pour ce jeu-là, ça les vaut. Et donc, après avoir donc édité des jeux vachement bien et fait les beaux jours du début de la PlayStation, Synosis va un petit peu s'embourber à publier des jeux qu'on va dire... De merde, du jeu. Par exemple, parmi les jeux dont moi, je sais, je vois... C'est le genre de jeu, je pense que tout collectionneur doit l'avoir et il est disponible partout facilement, c'est le fameux G-Police. Ah ouais, je connais, jamais joué aussi. Oui, alors Beyond, je voulais en parler tout à l'heure en même temps que le Colony Wars, parce qu'ils étaient sortis en même temps. Mm-hmm, c'est ça. Ils étaient testés au même magazine, et ils avaient tous les deux en point commun une distance d'affichage très très courte. Mais sauf que Colony Wars s'en sortait beaucoup mieux parce que c'était dans l'espace. Du coup, tu pouvais attaquer les vaisseaux librement et c'était pas gênant. Dans G-Police, c'était dans des univers terrestres, et donc les murs popaient à très peu de distance, et c'était beaucoup beaucoup plus désagréable. Il faut savoir qu'on jouait pour ceux qui connaissent pas, on jouait un hélicoptère. Et quand t'as un mur qui pop, t'as un mur qui pop et que tu couches un hélicoptère, c'est compliqué. Je me souviens de la pub de G-Police qui était incroyable. La pub, je m'en rappelle. Où il disait en gros, ils ont tué sa femme, et tu vois, il y a un mec qui était là, il pleurait et tout, tu sais. Ils ont kidnappé son gamin, c'est et tout. Et à la fin de la pub, c'était mais arrête de marcher sur le pied, ça fait mal. Enfin, tu vois, je vais chercher cette pub sur YouTube. Oui, je me souviens sketch de merde. C'était peut-être pour le 2. Parce qu'il y a un 2. Que tu m'as vendu le jeu en fait. Là. Ah oui, je vais jouer, je ferai pareil. Et donc, G-Police n'aura pas eu de suite, contrairement à. Ah si. Il y a eu un 2. Si, G-Police. Weapons of Justice, 2 ans plus tard. Ah, ouais. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était Colony Wars qui avait survécu, tu vois. D'accord, ok. Bah, G-Gépolis a survécu l'espace d'un deuxième épisode. Ouais. Il y en a eu d'autres après. Comme je dis, il y a beaucoup de jeux qu'ils ont publiés que tout le monde a oublié, comme Tenka. Il y a eu un jeu qui s'appelait Riot en Europe qui était un jeu de sport ultra violent. Il y a eu du. Ouais, ouais. Life Force Tenka, j'y avais joué. Ou Shadow Master aussi, pareil. Qui fait partie mais ça, jeux. C'était des jeux, on pouvait les tester à l'époque, tu sais, en démo, dans les CD démo. Il y avait les CD démo, ouais. Ouais, et du coup, je me rappelle très bien de Life Force Tenka, ouais, qui avait de très belles musiques techno. qui me plaisait bien. Mais bon, le jeu n'était pas super. Bah, ils n'ont pas édité aussi The Second Samurai ? Si, mais il y a longtemps avant. Ouais, en 94. Non, parce que je ne percute, parce que First Samurai, c'était cool à l'époque. Et donc, l'année suivante, en 98, ben, on va continuer cette espèce de descente lente mais sûre qualitativement dans les jeux. Où ils vont, dont toujours avec la licence Disney, ils vont adapter Bug's Life, en français Mille et une pattes. Ah oui. C'est un jeu qui, pareil, n'est pas spécialement assez dans les mémoires. Ils vont créer des super jeux comme... Toy Story aussi, hein. En fait, ils ont fait pas mal d'adaptations. Oui, on a parlé avant de Toy Story. Oui. On a notre jeu absolument fabuleux dont on se souvient tous avec beaucoup d'émotion, ODT. Ah oui, voilà. de David. Non, c'était ça. Non, ODT, c'est juste un jeu d'action en Psygnosis. C'est MDK, David Perry. Oui, MDK. Et voilà, que dans tout le monde, ce genre de jeu pareil que tu trouves dans les bacs à 1€ mais que personne n'achète jamais. Mais alors, apparemment. Peut-être que de la jaquette d'ODT en fait. Oui, en fait, si j'ai bien compris, le jeu il est pas mauvais. Mais la jaquette, c'était juste un putain de truc, c'est écrit ODT. Faut pas du rêve, hein. Voilà, on est d'accord. Non, mais c'est ça, ouais, t'imagines que moi j'ai jamais joué au jeu, je me rappelle que de la jaquette. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que le jeu, il s'est pas vendu parce qu'il avait une jaquette de merde, mais tout le monde se souvient de cette jaquette. Ouais. C'est-à-dire qu'elle était réussie en un sens. Mais tu sais, Colony War, c'est pareil, je me rappelle encore de la jaquette. Alors j'ai jamais joué au jeu. Ouais, c'est dommage. Mais ODT, ouais, moi c'est surtout la jaquette que je me rappelle, le jeu j'ai jamais joué. Bah ouais. Et quand je... ouais, effectivement. Attendez, je vous la retrouve là. Un des autres grands jeux de l'année 98 pour avancer, Rascal. Ça me dit quelque chose, ça. Jeu de plateforme d'une qualité absolument discutable. C'était pas bien, Rascal. Qui, ah là là, je regarde les notes à l'époque, 2 sur 10 IGN. Oh vache, 2 sur 10. 48% Game Rankings, voilà. Et pourtant, c'est du Traveller Tales. Alors, c'est du Traveller Tales, mais après qu'ils aient été passés pendant la Mooninette, les pauvres. Puisque donc, on est passé à Traveller Tales, on est passé des gars qui font Toy Story, Sonic 3D Blast et Sonic Air aux gars qui font Rascal et Bug's Life sur PS1. Bon, c'était. Bug's Life n'était pas si dégueulasse, mais Rascal était pas bien. Donc on parlait de jaquette discutable. Rascal, il y a beau avoir un dessin, je veux dire, le gamin avec sa casquette et sa houppette blonde, il est totalement antipathique, quoi. Je suis désolé. Ouais. J'ai presque envie, tu vois, de mettre deux claques et dire allez, c'est bon, tu vas te coucher, tu n'auras pas de dessert, quoi. C'est bon. Ça, c'est vrai, quand tu le vois comme ça, tu te dis c'est bon, dégage, quoi. Mais le genre lui-même, j'en ai que très peu de souvenirs de Rascal. De toute façon, c'était les jaquettes que tu voyais popper dans tous les bacs de jeux. Voilà. Rascal, 90 centimes sur Price Minister, si vous voulez. Oh putain. Rakuten, pardon. Je suis vieux. Si ça continue, ils vont donner de l'argent pour que tu l'achètes, en fait. Ça. Voilà. Les jeux qu'on a mieux fait d'oublier. Et après, bon, ils vont aussi éditer quelques jeux aux États-Unis. Ils vont permettre au marché nord-américain de découvrir Kula World ou le fabuleux Spice World sur PlayStation, le jeu des Spice Girls. Oh mon dieu, on avait dit qu'on n'en parlait pas dessus. J'entends pas, je suis pas là. Kula World, c'était rigolo comme jeu. Je jouais à la démo surtout. Enfin, comme tout le monde en fait, je crois. Oui, voilà. C'est là qu'on se rend compte, oui, de ce qui s'est passé avec Psygnosis. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment, les choix d'édition ont peut-être été un peu légèrement moins percutants, on va dire. Hein. Oui, moins inspirés. Et oui, c'est clair, c'est vrai, complètement. Parce que quand je vois notamment en 1999 un jeu publié uniquement en Europe qui s'appelle Attack of the Saucerman, dont j'ai juste jamais entendu parler de ma vie. Moi non plus, je te rassure. Oui, avec une jaquette qui aimait tellement aussi, mais... C'est un TPS, ça, c'est ça? Je ne connais pas. Ah si, on en a parlé quand on a préparé le podcast, ouais. Et ouais, je me souviens, ouais, personne en fait savait ce que c'était. Ouais, ouais, et c'est un TPS. Ah, mais ouais, Ah, voilà. Ils se sont peut-être... Enfin, je sais pas s'il y a une coïncidence encore, quoi, mais c'est le passage à la 3D hein, qui les a un peu déboussolés. Bah, mais non, parce que... Non, parce qu'ils ont des jeux 3D, bah, Destruction Derby en 3D, Wipeout. Ouais, mais c'était les premiers, quoi, je veux dire. Ils ont explosé au début de la Formule 1. C'était juste pour le placer, hein, mais donc voilà, vous avez ce TPS mou du genou, et la même année, ils sortaient Jet Force Gemini. Voilà, juste pour le dire. Parce que... Voilà, oui. Jet Force Gemini que tu feras dans... Oh, un jour, peut-être, putain! Ouais, parmi les autres titres qu'ils ont publiés aussi, dont on peut se souvenir, il y avait le Roll Cage. Roll Cage, qui est pas mauvais, oui, qui avait une originalité quand même, c'est que la voiture tombait dans n'importe quel sens, elle continuait à rouler, c'était pas mal. Et c'était spectaculaire à jouer. D'ailleurs, il y a un titre de course qui se joue en streaming assez. C'est souvent, là j'ai oublié le titre, qui est très inspiré de Roll Cage. Grip. Comment t'as dit? Ouais. Grip. Ah oui, Grip. Oui, ouais, oui, c'est ça. Oui. J'avais vu Atomium y jouer, je crois, il y a quelques temps. Ah, c'est complètement Roll Cage, hein. C'est, ouais. Ouais, bah, Roll Cage, on va dire que c'est encore tous les jeux de Psygnosis, hein. J'ai jamais joué, je connais que la jaquette. Ouais, c'est complètement Roll Cage, ouais. Et, mais comme quoi, tu vois, l'idée était quand même intéressante, hein. Et donc, sur le coup, oui, lent déclin donc, de la compagnie qui va finir bon, par publier toujours des suites à ses jeux connus, Colony Wars Red Sun, Wipeout 3, Destruction Derby Row. Wipe 3 Out. Moi, j'essaie de le prononcer comme c'est écrit, c'était Wipe 3 Out. Wipe 3 Out. le compte, c'est vraiment le compte. C'est le gars, il voit là, ah ouais, Wipe 3 Out. Putain. C'est con. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'étais jeune. Hein. Why? Et finalement, eh ben, Psygnosis va se faire racheter et manger par Sony. Voilà, à table. Et va devenir le studio Liverpool. Liverpool, ouais, ça. Ouais. C'est le studio Liverpool, effectivement. Voilà. Et ils vont développer principalement donc, les Formula One et tout ce qui est Wipeout sur les consoles jusqu'à maintenant. Voilà. Avec assez de brio, il faut le dire, sur les versions PS3 en particulier. Oh là là, ils sont très réussités. Ouais. Bah, Formula One, tu l'avais dit, hein, mais ça reste la référence de jeu de F1, même maintenant en fait. Donc bon. Ouais, ouais. Mais les Wipeout, hein, les derniers qui sont sortis, la trilogie, il est super bien, hein, franchement. En VR c'est, non, c'est pas celui-là trop... Si, si, c'est le même. Oh, il est excellent. Wipeout en VR, ils ont osé quoi. Bah, j'ai essayé. Ah, mais c'est alors moi, en termes de volume. Oh. Bah, ouais. Là, tu vois, moi je pensais pas que j'allais être atteint du. Enfin, tu sais, le motion sickness. C'est épouvantable. Non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quoi, hein. Alors, on croit sur parole, Belle. On veut pas de preuves. On veut pas de... Ah, mais non, mais moi ça m'a jamais fait. Le Wipeout Omega Collection n'est pas l'œuvre de Psygnosis. Oui, l'œuvre de Psygnosis, mais c'est des jeux basés sur des jeux de Psygnosis en fait, je crois. Toi, parce que ça reprend une compilation. C'est qui la Wipeout Collection du coup? Hop, pouf, ils sont là, développeurs XDev. Ils ont fait quoi d'autre? C'est la question que je me pose aussi. Alors, ils ont. Alors, podcast du collectionneur spécial XDev. Mon dieu, c'est fini. Allez. Ils ont créé et publié, on dirait, une boîte de sous-traitants, Little Big Planet, Motorstorm, Invis Animals, Heavenly Sword, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Steer Away, Resogun. On dirait qu'ils sont, ils font des morceaux de jeu pour les autres, on dirait. D'accord, ok, ouais, c'est une boîte de presta presque, du coup. Ouais, parce qu'en fait, le Omega Collection, donc la trilogie, contient le Wipeout HD et HD Fury. Et ces deux titres-là étaient les derniers jeux de Liverpool, en fait, Studio Liverpool. Okay. Donc c'est vraiment quand même eux à la base. Hein. Tu m'auras pas, Vivian. Non, voilà, tout ça pour dire que Voilà, c'est... On connaissait le logo par cœur, les jeux, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais au final, on a tous plus ou moins joué à des jeux Synosis. Oui. Ouais, c'était un grand studio, quoi. Ouais. Une partie des... jeux de notre enfance. Ouais. Oui, mon enfant, c'est bien, ils ont... Je viens de me rappeler aussi d'un certain Nova Storm sur Mega CD. Ils étaient aussi, qui est un rail shooter, mais moi je m'en souviens surtout pour ses musiques. Je sais pas qui c'est qui a fait les musiques. Mais les musiques à l'époque. Mmh. C'était aussi retrouvé sur la Compil Player One d'ailleurs. Et vous, totalement. Et vous pourrez y jouer grâce au Mega SD du coup. Oui. Oui. Mais, on partagera le chèque à la fin. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Je vais dire, mais combien ils payent pour ça? Parce que moi, à la limite, moi ça m'intéresse. Okay. Bon, écoutez, on arrive à 23h. Avant de finir, on n'a pas dit d'où ça venait, Psygnosis, en fait. Vas-y. À la base, le studio devait porter deux noms. Psy, l'esprit, et Gnosis, la connaissance. Ah oui. Ils ont décidé de fusionner les deux. C'est devenu Psygnosis. D'accord. Tu pourrais remettre... Est-ce que je peux me permettre de remettre le lien que tu nous as donné en privé, Bostik? Bien sûr, si les gens veulent... Ah ouais, parce que c'est... j'ai commencé à le lire après-midi, c'était vachement cool. Ouais. Après, bon, c'est en anglais, mais il y a suffisamment de trucs, voilà. Quoi. Si vous voulez plus de précision sur Psygnosis, Monsieur Chou vous met le lien, et il y a beaucoup de choses. Ouais. Pas mal de choses intéressantes, parce qu'effectivement, on ne peut pas être exhaustif. C'est pas possible, le studio a... On peut jamais être exhaustif de toute façon. Surtout, voilà, ce studio-là, il a une bonne grosse histoire. C'est un studio qui. Voilà, c'est un PDF, mais c'était un truc qui a été publié pour de vrai. C'est un vrai bouquin, ça. Oui. Bah ouais. Donc, avant de nous quitter, j'allais dire un petit peu de promotion, si j'ose dire. En cette semaine de sortie de Bloodstained Ritual of the Night, sachez que vous pourrez acquérir sur le PSN en ce moment pour 9,99€ la collection Castlevania Requiem, qui contient Symphony of the Night et Rondo of Blood. C'est bien. Voilà. Je tenais à le dire, 10 balles pour ces deux jeux-là ensemble. Ouais. Si vous n'y avez jamais joué, voilà, faites-vous plaisir, honnêtement. C'est Petite Pelle qui a jamais joué à Symphony of the Night, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, moi, j'y joue deux fois par an. Donc... Voilà, oui, c'est pareil. Moi aussi, j'y ai joué. Ça, et puis, là, je suis un peu obligé. Hein. Je te balancerai à Jindes Walk, Petite Pelle. Je te dénoncerai. Même moi, j'y ai joué. Hein. Bah oui. Alors que Castlevania, bon, c'est nul, quoi. Ouais, tu l'avais streamé, toi. Oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Oh là là. Quel streamer. Et autre petite auto-promo gratuite, si j'ose dire. Donc, la semaine prochaine, c'est la ZDQ. Ouais. Oui. Summer Games Done Quick, marathon de speedrun caritatif. On n'a pas beaucoup dormi, hein. Et donc, vous aurez l'immense plaisir, la joie, le privilège, tout ça en même temps, d'écouter ma voix ainsi que celle de moi. C'est plein d'autres gens, rien. En fait. Hein. Ouais. et non, on a les autres. Nous, on est quand même les highlights, quoi. Ah ouais. Et non, ça, c'est plus... non, mais ça, c'est quelque part, ça sera jamais sorti de son contexte. Je sais pas. Plus sérieusement, je voulais juste faire parler de ce qui va se passer mardi matin, donc à 9h50, aux alentours de 9h50, sauf si ça bouge évidemment comme d'habitude. On va avoir une run du jeu Monster Boy and the Cursed Kingdom qu'on doit au studio français Game Atelier. Et il se peut que la run soit commentée en compagnie d'un des responsables du studio à qui on doit le jeu. Donc, si vous n'avez pas joué à Monster Boy, dépêchez-vous. Et si vous avez joué à Monster Boy, j'espère que vous viendrez faire un tour. Normalement, on devrait apprendre des choses. Tout à l'heure, sur le Discord, il n'y a pas quelqu'un qui nous disait que Monster Boy sera dispo sur Steam et GOG pour les... Ouais, non ? Il arrive fin juillet, le 25 juillet, sur PC. Ouais. C'était Monsieur Plume, ouais, qui nous avait donné ça. Et spoil, la version PC ne sera pas celle utilisée pour le speedrun. Ouais. Mais vous en saurez plus si vous venez. Donc, ouais. Mais voilà, donc la SGDQ, ça commence dimanche sur le coup de 18h et ça finira le dimanche d'après Les jeux modernes, les jeux PC, les jeux anciens, les jeux consoles, il y en aura pour tous les goûts. Il n'y Prévoyez aura du pas beaucoup de côté. Sega, mais il y en aura un petit peu quand même, on sera là. Ah Il y oui. aura un petit peu, mais il y aura que du bon, par contre. Et vous Que du bon remarquerez qu'il Sega. n'y a toujours pas Legend of Phyrexia. Non, Toujours pas, c'est un parce scandale. C'est un que scandale, monsieur le je Cabache. crois. Non, mais attends, parce que je déconne pas, parce que je crois que j'ai regardé Vous êtes pour un être. cumulard, El Pour être. Pour Cabache. être. Il me semble que pour être. Il pourrait être dans les hauts foules par exemple, mais il est trop long, je crois. Non, mais j'attends ce soir avec Et impatience. je pense que tu peux tenir l'engagement ce soir, Buzzdick, si un jour Legend of Phyrexia est dans les hauts foules, tu viens le commenter. Par contre, ouais, sache Avec je peux oui, mais oui, bien Canon. sûr. Sache Ça que sera je te lâche compliqué, pas jusqu'à ce que tu acceptes, Buzzdick, en si duo, avec Canon, on est Oui, d'accord, c'est non? ça, Vous êtes... c'est le Non, non, mais vous avez conscience que jeu. vous n'êtes pas prêt. C'est le Vous me jeu, il connaissez dure. suffisamment pour savoir que vous n'êtes pas prêt. Le jeu, il dure minimum 4h26, donc pour les hauts foules, c'est trop long. Et je pense sincèrement que les gens dans le chat ne seront pas prêts non plus. Bah oui, non mais voilà. Donc, Et Personne je n'est sais que ça prêt. ne sera pas le cas, donc jamais. Donc, voilà, sur le coup, nous, on va se retrouver Dans 15 dans deux jours, semaines, voilà. Dans peut-être. la moiteur de l'été. Ah ouais, m'en parle pas, là, je suis en train de fondre, là. Voilà. Donc, comme toujours, merci aux gens qui ont été là et qui ont participé sur le chat. C'est Merci à toujours un tous, plaisir. des bisous. Merci aux gens qui vont nous écouter sur YouTube, abonnement, Pouce bleu, petite clochette, NordVPN, comme d'hab. C'est toujours un plaisir, des bisous. Bah, on a oublié de faire le plug pour le Discord, pour une fois, non? Ah, mais D'ailleurs, ça défile là. Quand les gens Ouais. ils parlent, ça défile sur le chat. C'est cool. D'ailleurs, Si vous moi, voulez avec avoir quelque chose l'adresse du d'hier. Discord, parlez. Et moi, avec quelque chose à nous faire écouter, mais je pense qu'il a oublié. Oui, c'est fou. Parce que quand tu as dit le Yo-Yo plug pour Kusanagi. Discord, moi j'ai pensé à des choses. Bon, allez, il est temps d'aller au lit. Bonne nuit. Ouais, non, non, mais ça va aller. Non, non, le plug auquel tu penses, non. Ou alors tu peux, mais bon, va falloir demander à Non, pipi, non, d'accord. non. Merci monsieur, non, merci madame, je vous fais des Oui, bisous. alors voilà, hein, Au on va y aller. revoir. Je pense qu'il est temps de se quitter, voilà. Allez, Au salut. bisous. revoir. Deviens sale. My plugin baby. Whoa. Mais attendez, monsieur, c'est pas Style coupé là, privé. calmez-vous. Va falloir que je coupe la VOD. Allez, à Ah oui, plus parce les que là on va gens. être striké, là c'est sûr. À Là plus le les mec gens. qui dit c'est news, c'est sûr. Non, moi j'attendais que tu envoies le et toi tu pues à la fin du. Ah Ah, et ben oui, voilà, tu l'as fait. Voilà. J'ai toujours pas coupé, hein. On continue là. Oh, mais nom de Zeus, nom d'un Mais non, slip enfer. bah, vous continuez à raconter des conneries, moi je laisse, hein. Bah, et toi tu pues. Sera dans le best-of. Le bêtisier, la version Blu-ray. Allez, à plus. Au revoir.